السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد du samedi 25 Rabi al-Awwal 1430 de l'Hijr, ce qui concorde avec le 21 mars 2009 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes inshallah ta'ala dans le deuxième tome, toujours dans le deuxième tome du fabuleux livre l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans le 34e cours bi'idhnillahi azza wa jal. Le titre maintenant, c'est un nouveau chapitre, c'est, si je puis dire, la position. Position des gens de la sunna et du consensus en ce qui concerne les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la position des gens du consensus et de la sunna. En ce qui concerne quoi? Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le shir, Cheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que les gens de la tradition et du consensus érigent en principe le fait de ne pas nourrir de mauvais sentiments ou de dire quelque chose de mal des compagnons de l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. C'est-à-dire il se conforme ainsi à cette parole d'Allah, de Dieu, qui a dit dans le Coran, sourate 59, verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ceux qui sont venus après eux disent, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et dans nos frères qui nous ont devancés, entre qui? Entre les compagnons. Ensuite, il a dit aussi dans le même verset, ne met en nos cœurs aucune rancune contre ceux qui ont cru avant nous. Seigneur, tu es bienveilleux, compatissant. Donc, vous voyez, le verset est clair. Il nous demande non seulement de ne pas les haïr et de les détester, mais encore de faire yani leurs éloges, de faire leurs éloges et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous ceux qui sont venus après nous, avant nous, tous ceux qui sont venus avant nous. Il a dit wa ta'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi la tasubbu ashabi. Il a dit ils se soumettent aussi, c'est-à-dire les gens de la sunna et du consensus, c'est-à-dire nous inshallah ta'ala. Ils se soumettent aussi à l'ordre du prophète, que la paix soit sur lui, qui a dit, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفهم. Ensuite, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a juré par Allah Ta'ala le Tout-Puissant, par celui qui détient mon âme, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un de vous dépense en aumône l'équivalent en or du mont Uhud. Vous connaissez le mont Uhud qui est près de Médine. Il a dit, je jure par Allah, si l'un de vous dépense en aumône l'équivalent en or, ce qui équivaut au mont Uhud, il a dit, jamais cela ne vaudra ni la poignée en aumône de l'un d'eux, ni même la moitié. Naam, hadith rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, et hadith authentique. Il a dit, si l'un de nous, par exemple, dépensait en équivalent en or ce qui équivaut au mont Uhud, la montagne de Uhud, cela ne vaudra jamais, même pas la moitié, la poignée, ni même la moitié de la poignée de l'un d'eux. L'un d'eux, c'est-à-dire l'un des compagnons, quand il dépense. Vous allez voir pourquoi et quelle est la différence. Ensuite, il a dit, وَيَقْبَلُونَ On n'a pas encore commencé à expliquer. وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ سُنَّةُ الْإِجْمَعِ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ Les gens de la tradition et du consensus agréent ce qui, dans le livre, ou bien la tradition, la sunna, ou bien le consensus, fait état de leur mérite et de leur degré. وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَتَلَ Et les gens de la tradition aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils accordent précédence et prédominance aux compagnons qui ont supporté des dépenses et combattu pour la cause avant le succès. Le succès qui s'appelle Fath, c'est-à-dire le pacte de Al-Hudaybiyah. Ils font donc précédence sur cela, sur ce, en comparaison aux compagnons qui auront agi de même, mais après. Il y a une grande différence entre les compagnons qui ont assisté et ont été la cause de Al-Fath, hein, et aussi la libération de la Mecque, et avec ceux qui sont venus après. Ensuite, il a dit ici, وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ Et, il a dit aussi, il donne aussi la préséance à qui? Aux émigrés, muhajirines, sur les auxiliaires, l'ansar. Sur les auxiliaires de l'ansar. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِأَهْلِ بَدْرِ وَكَانُوا 310 قَالْ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Et il croit que Allah Azza wa Jal a dit aux combattants qui ont assisté à la bataille de Badr, lesquels étaient au nombre de 300 et quelques hommes, il leur a dit, faites ce que vous voudrez, mon pardon vous est acquis. Faites ce que vous voudrez, mon pardon vous est acquis. Bukhari et Muslim. Et enfin, وَبِأَنَّهُ النَّارَ أَحَدٌ بَيَعَ تَحْتِ الشَّجَرَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكَنُوا أَكْتَرْ مِنْ 1400 On va s'arrêter ici, où il a dit, et les gens de la tradition et du consensus croient aussi, et qu'aucun de ceux-là, et qu'aucun croit que aucun de ceux qui ont fait acte d'allégeance sous l'arbre, n'entrera en enfer. Aucun d'eux n'entrera en enfer, conformément à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, et qui est ceux-là, ceux qui ont fait l'allégeance, qui était combien? 1400. Et que Allah Azza wa Jal est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui, comme c'est cité dans le verset. Al-Mu'im. On va donc revenir un peu marche arrière du début, pour dire, lorsque Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ lorsque le cheikh a dit, les gens de la tradition et du consensus érigent en principe le fait de ne pas nourrir de mauvais sentiments ou de dire quelque mal des compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se basant sur le verset, ceux qui sont venus après eux disent, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Ne mets en nos cœurs aucune rancune contre ceux qui ont cru avant nous. Seigneur, tu es bienveillant. Sourate 59, verset 10. Maintenant, dans l'explication, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, dit, lorsqu'il a dit que rentre dans les règles et les bases des gens de la tradition et du consensus, quoi? Salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah. C'est-à-dire la pureté, ou bien si je puis dire la sainteté, c'est-à-dire ils sont saints. La sainteté des cœurs et des langues. La sainteté des cœurs et des langues en ce qui concerne les compagnons du messager d'Allah. C'est-à-dire les gens de la tradition et de la sunna doivent avoir un cœur saint, pur, et une langue saine. En ce qui concerne qui? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ici il a employé seulement le mot cœur? C'est le cœur qui doit être saint et aussi les langues. La langue. Pourquoi il n'a pas employé aussi les gestes et les actes? Cheikh Lahmou a dit parce que en ce qui concerne les gestes, ce n'est pas possible maintenant. Il est impossible d'avoir par exemple un mauvais geste par rapport aux compagnons. Pourquoi? Les compagnons sont tous morts. On ne peut ni combattre quelqu'un avec la main, ni le blesser, ni le frapper. Ils sont morts, ils ne sont pas avec nous. Il a dit même si on supposait que quelqu'un va maintenant déterrer. Quelqu'un va déterrer un compagnon pour, par exemple, le frapper avec la main ou pour faire quelque chose. C'est-à-dire un acte avec la main, il a dit, ça ne peut jamais leur faire de mal. Pourquoi? Parce que il est mort. Quand quelqu'un est mort, son âme n'est plus avec lui. Son âme est chez le Seigneur. Il n'y a que le corps qui est dans la tombe et l'âme, comme vous l'avez entendu plusieurs fois, monte et descend. Ce n'est pas comme lorsque quelqu'un est vivant. Lorsque quelqu'un est vivant, son âme est à l'intérieur de son corps. C'est pour ça que on peut le frapper, on peut lui faire mal. Mais quelqu'un, si on va le déterrer, quelqu'un qui est mort, on va le frapper, on va le pincer, on va le brûler, il ne va rien ressentir. Non. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que le cheikh, alayhi rahmatullah ibn Taymiyyah, a employé quoi? La pureté des cœurs et des langues. Pourquoi? Parce qu'on peut leur faire mal avec le cœur, on peut leur faire mal avec quoi? Avec la langue. Comment cela? Il a dit, فَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ سَلَمَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ سَلَمَةُ الْقَلْبِ مِنَ الْبُغْضِ وَالْغِلِّ وَالْحَقْدِ وَالْكَرَهَ وَسَلَمَةُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ لَا يَلِقُ بِهِ. Il a dit, quant au cœur, il doit être pur. Il doit être pur de quoi? Pur de toute haine, de toute rancune, de toute vengeance. Naam. Quant à la langue, elle doit être pure de toute parole qui ne leur convient point, qui ne leur sied point. Naam. Donc il est interdit de quoi? De haïr un compagnon, de le détester, d'avoir un esprit vindicatif, hein, plein de vengeance. Il est aussi interdit de parler de lui en une chose qui ne lui va pas, qui ne lui convient pas. C'est pour ça qu'il a dit, hein, il a parlé de la pureté des cœurs et la pureté des langues. Ensuite, il a dit, فَقُلُوبُهُمْ سَلِمَةٌ مِنْ دَلِكِ. Il a dit, Alhamdulillah, les gens de la tradition et du consensus, hein, son cœur sont purifiés de ces choses-là. Car leurs cœurs sont pleins de respect. Naam, sont pleins de respect. Memlou etun bil hub, et plein d'amour pour les compagnons du prophète, alayhi salam. Et, naam, ils les mettent dans un haut rang, un haut statut. Naam. Il a dit, فَهُمْ يُحِبُّونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Lahda, j'arrête celui-là. Ensuite, je ferme le téléphone. Alhamdulillah. Donc, il a dit, فَهُمْ يُحِبُّونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ. Il a dit, les gens de la tradition, les gens de la sunna et du consensus. Justement, pourquoi qu'on dit, je répète à chaque fois, les gens de la sunna, les gens de la sunna et du consensus? Pour que tu saches, toi mon frère, toi ma soeur, tu saches si tu es deux ou tu n'es pas deux. Si tu es deux, tu dois avoir yani, le même comportement qu'eux. Tu dois te baser sur les mêmes règles qu'eux. C'est pour ça que yani, on doit connaître les règles et les bases et la aqida de Al-Sunna pour savoir si on est deux ou si on ne fait pas partie d'eux. Pour savoir si on fait partie d'eux ou bien, au contraire, on fait partie des sectes égarées. Comme les khawarij, les tkfiriyin, les terroristes, tout cela. Donc les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font? Yuhibbuna ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yufadlilunahum ala jami' al-khalq. Mieux que cela, ils les préfèrent à tous les êtres humains. Si des êtres humains, ça veut dire aussi ils les préfèrent à toutes les créatures. Ça veut dire c'est pas la peine de parler des animaux, etc. Donc, ils les préfèrent à tous les êtres humains. لِأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ مِنْ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Pourquoi? Parce que leur amour rentre dans l'amour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Si tu les aimes, c'est une preuve que tu aimes le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui t'a demandé de les aimer. C'est lui-même qui t'a demandé. وَمَحَبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ. Et le fait d'aimer le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, ça rentre dans le fait d'aimer Allah Azza wa Jalla. Car le fait que tu aimes le messager d'Allah, ça veut dire que tu aimes Allah Ta'ala. Pourquoi? Car Allah lui-même, le Seigneur, t'a demandé d'aimer le messager d'Allah. Or, Allah t'a demandé d'aimer le messager. Le messager t'a demandé d'aimer les compagnons. Cela revient à quoi? Donc les aimer les compagnons, revient à aimer Allah Subhanahu wa Azza wa Jalla. نعم وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن. Il a dit, et les langues de Ahl Sunnah, des gens de la tradition, est pure des insultes, ne contient pas des insultes, والشتم واللعن, et les injuriements, comment injurer, نعم, les injures, et واللعن, les maudissements, le fait de maudire, le maudissement, والتفسير, le fait de dire ils sont pervers, naam, ou takfir, le fait de dire ils sont kuffar, ce sont des mécréants, naam. Wa ma ashbaha dhalika mimma yati bihi ahlul bid'a. Et ce qui va en ce sens de ce que font les gens de l'innovation, naam, car vous savez, les gens de l'innovation, il y en a deux. Ceux qui insultent les compagnons, il y en a deux. Ceux qui les maudissent, il y en a deux. Ceux qui disent ils sont pervers, il y en a deux. Comme les chiites, les rafidites qui disent ils sont kuffars, ils sont des mécréants, et comme ça, et tout cela bien sûr, ont un point commun, c'est que ce sont des innovateurs, des gens de l'enfer. Il a dit, فَإِذَا سَلِمَتْ مِنْ هَذَا مُلِئَتْ مِنْ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَتَرَضِّ عَنْهُمْ وَتَرَحُمُ الْإِسْتِغْفَارُ وَغَيْدَلِكَ. Il a dit, et quand une personne n'a pas les grands défauts que qu'on vient de citer maintenant, donc les cœurs de ces personnes vont remplir de quoi? De l'amour des compagnons, de l'agrément des compagnons, du fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, du fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être miséricordieux envers eux, et comme ça. Et tout cela, pourquoi on doit avoir tout cela? Le Cheikh Ibn Rahimin a cité, il a dit, à cause de quatre choses. Quelles sont ces quatre choses? La première, أنهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc, première cause qui nous qui nous pousse à nous comporter ainsi envers eux et à les mettre au-dessus de nos têtes, dans un haut très très dans un rang très très très haut, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même, a décrété dans un hadith authentique, il a dit quoi? Il a dit, les meilleurs des gens, c'est mon siècle. Les meilleurs des gens, c'est mon siècle. Ensuite, ceux qui les suivent, ensuite ceux qui vont les suivre. Naam. Les meilleurs des gens, c'est qui? C'est ceux qui ont vécu, naam, ceux qui ont vécu au temps du messager d'Allah. Et ceux qui ont vécu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient en même temps croyants, et qui ont rencontré le messager d'Allah, comment ils s'appellent? Ils s'appellent les compagnons. Car le statut du compagnon n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut être un compagnon. Tu peux vivre au temps du messager d'Allah, croire au messager d'Allah, et ne pas être un compagnon. Pourquoi? Parce que par exemple, tu ne l'as jamais rencontré. Al-Muhim, les meilleurs des gens, les meilleures générations, la meilleure génération, c'est celle qui a vécu au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire les croyants, qui l'ont vu aussi, qui se sont groupés avec lui, comme je l'ai dit une fois, ensuite ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis. La deuxième des causes, il y a quatre causes, la deuxième des causes, « Annahum al-wasitatu bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna ummatihi » فَمِنْهُمْ تَلَقَتِ الْأُمَّةُ عَنْهُ الشَّرِعَةَ. La deuxième des choses, pourquoi on les aime beaucoup, pourquoi on les met au-dessus de nos têtes, pourquoi on les élève dans un très haut rang, parce qu'ils sont la médiane, ou bien ils sont les médiateurs entre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et entre sa nation. C'est d'eux que, فَمِنْهُمْ تَلَقَتِ الْأُمَّةُ, c'est d'eux que la nation a pris la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y avait pas les compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il serait mort, donc l'islam va se terminer. L'islam va mourir avec la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais justement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, sa tradition, alayhi salatu salam, est restée vivante. Elle est restée vivante où? Dans les cœurs de ses compagnons, dans les actes de ses compagnons, dans les paroles de ses compagnons. Et ceux-ci l'ont transmise à qui? À leurs enfants, qui eux-mêmes l'ont transmise à leurs enfants, qui l'ont transmise à leurs enfants, jusqu'à ce que ça soit arrivé à nous. Donc vous voyez bien que s'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas aujourd'hui cet islam. L'islam serait mort, mais ils ont été la médiane entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et entre nous. C'est pour ça qu'on doit beaucoup les aimer. C'est pourquoi qu'on doit beaucoup leur faire les éloges. Sinon, rien ne te serait arrivé. C'est pour ça que, comme a dit l'imam Malik rahimahullah, il a dit en parlant des rafidites, en parlant des chiites, ceux qui disent que les compagnons sont des kofars, il a dit, ceux-là, c'est-à-dire les chiites, il a dit, ceux-là ont voulu, disons, donner un coup, si je puis dire, à l'islam. Hein? On voulu donner un coup comme ça à l'islam. Ils ont voulu donner un coup au Coran. Mais ils n'ont pas pu, car Allah Ta'ala a dit dans le Coran que c'est nous qui l'avons fait descendre et c'est nous qui allons le protéger. Ils ont dit, il ne nous reste plus qu'une chose. De quoi? C'est de donner un coup à qui? À la sunna. Et la sunna pour lui donner un coup, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le messager d'Allah n'est pas bien, c'est impossible. Ils vont nous dire donc, vous êtes des mécréants. On va donner un coup à qui? Aux compagnons. On va dire ce sont des kofars, ce sont des mécréants. Et si tu vas dire que les compagnons sont des mécréants, ça veut dire il n'y aura plus de sunna. Il n'y aura plus, les hadiths du messager d'Allah ne vont plus exister. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va rester seulement le Coran. Et le Coran tout seul, jamais il ne va te faire arriver à Allah ni à son paradis. Pourquoi? Parce que tu vas le comprendre comme tu veux, et moi je vais le comprendre comme je veux, et mon père va le comprendre comme il veut, et mon voisin va le comprendre comme il veut, et ma femme va le comprendre comme elle veut, et personne, on ne sera jamais d'accord sur une chose. Donc, c'est pour ça que l'imam Malik a dit, il a dit ceux-là, les Rawafid, ils ont voulu, subhanallah al-azim, ils ont voulu frapper l'islam en frappant le Coran, mais ils ont su qu'ils ne pouvaient pas. Alors ils ont dit, pour frapper la Sunna, on va frapper qui? On va dire que les compagnons sont des kuffars. Comme ça, on va couper les liens. On va couper les liens entre les musulmans et leur islam. Et Allah Azza wa Jalla, alhamdoulilah, a protégé son islam, nous a protégés et a maudit ses chiites et ses rawafid. Troisièmement, pourquoi on doit les aimer et les mettre au-dessus de notre tête? ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. نعم. Pour les grandes conquêtes qui ont été faites, يعني de leurs mains, car ils ont été la cause de grandes conquêtes. Les musulmans ne possédaient que la Médine. Médine, une petite ville. نعم. Comment se fait-il qu'après ils ont conquis l'est et l'ouest, le sud et le nord? L'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, l'Afrique, l'Inde, l'Asie, le Maghreb. Il n'y a pas un coin où ils ne sont pas arrivés. Non, ils sont arrivés. Il n'y a pas un endroit où ils ne sont pas arrivés. Que j'allais dire? Non. Donc ce sont eux qui ont été la cause. La cause, ils ont fait, yani, propager cet islam. Propager, c'est pas comme disent des kuffars, les mécréants, qu'ils disent, ils l'ont propagé en coupant les têtes. Avec l'épée. Ils l'ont propagé avec le bon comportement. Ils l'ont propagé, par exemple, quand ils sont arrivés en Chine, la plupart des Chinois qui sont rentrés en islam, c'est parce qu'ils ont vu le bon comportement des musulmans qui étaient arrivés là-bas, et ils ont vu leur bon comportement dans le marché. Comment qu'ils vendaient, comment qu'ils pardonnaient, comment qu'ils, si quelqu'un n'a pas, il ne paye pas maintenant, il paye après. Si quelqu'un achète une chose et il se désiste, nam, il la lui rend. Il lui dit, tiens, voilà, je te rends ton argent. Et comme ça, et ils ont vu comment, lorsqu'ils sont mariés, comment ils faisaient avec leur femme, quel était leur comportement. Ils se sont étonnés, ils ont demandé, c'est quoi, d'où vous venez, c'est quoi votre religion? Ils leur ont dit, c'est l'islam. Et ils sont rentrés en islam, groupe par groupe, nam, des groupes et des groupes. Al-Mohim. Quatrièmement, pourquoi on les met au-dessus de nos têtes? لأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والأدب التي لا توجد عند غيرهم. Parce que ils ont propagé entre les gens et entre les nations, hein, beaucoup de qualités. Entre autres, le fait d'être véridique, le fait, hein, de faire des nasihas aux autres, le bon comportement, hein, qui ces qualités-là ne se trouvent pas chez les autres. وَلَا يَعْرِفُ هَذَا مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَنْهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْجُدُورِ مِنْ وَرَاءِ الْجُدُورِ بَلْ لَا يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مَنْ عَاشَ فِي تَارِيخِهِمْ وَعَرَفَ مَنَاقِبَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ وَإِثَارَهُمْ وَاسْتِجَابَتَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Il a dit ici le Cheikh, et ne connaît cela, ne connaît, c'est-à-dire leur grand mérite, etc., ne connaît pas cela celui qui lit de ce qu'on dit de derrière les murs. Quand par exemple moi je prends un livre et je lis, toi tu prends un livre, tu lis, voilà ce qu'on raconte d'eux. Naam, il a dit ceux-là ne les connaissent pas vraiment, mais ceux qui les connaissent vraiment, ce sont ceux qui ont vécu, naam, dans leur histoire, naam, comme les grands savants qui ont écrit des livres spécialement sur les grands mérites et les grandes valeurs des compagnons. Et comme Isaba, c'est comme un des grands livres des savants, spécialement conçus pour raconter leur vie, comment qu'ils étaient. Et si vous voulez, lisez un peu, si vous voulez, Sir Alam Nubala. Non, lisez Sir Alam Nubala de l'imam Zahabi et rendez-moi la réponse, non, quand ils commencent à raconter leur vie, non, de chacun d'eux avec des détails. Croiriez, vous allez croire que ce sont des anges. Vous allez dire, je jure par Allah que ce ne sont pas des êtres humains. Non, des anges descendus des cieux qui ont vécu sur terre. Il a dit, فَنَحْنُ نُشْهِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ عَلَى مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou a dit, nous, on prend Allah Azza wa Jal, le Seigneur, en témoin. Que quoi? Que on aime les compagnons que Allah Ta'ala les agrée. ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. اي كون في لوغ زيلوج اون في لوغ زيلوج افيك نو لونغ نعم وماكسيموم ونبرأ من طريقين ضالين اي اون سو ديزافو اون سو ديزافو devant الله سبحانه وتعالى اون سو ديزونغاج de deux sectes égarées, deux sectes. Quand je dis deux sectes par rapport à ce qu'on est en train de dire, par rapport aux compagnons. Sinon, on se désengage de toutes les sectes qui ne sont pas dans la sunna. Ben Mouhim, il a dit, et on se désengage, il se désavoue devant Allah subhanahu wa ta'ala de deux sectes. La première, Tariq al-Rawafid, alladhina yasubbuna as-sahaba, وَيُغْلُونَ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ. La première secte, la secte des Rafidites. C'est les chiites. C'est les chiites. Maintenant, il faut que vous sachiez, maintenant, de nos jours, il n'y a pas des chiites. Les chiites, c'était autrefois, autrefois, des gens qui aimaient Ali ibn Abi Talib, le quatrième compagnon, ils l'aimaient plus que les autres, les trois. Ils disent, nous sommes des chiites. On fait la Shia de Ali. Mais cela n'existe plus maintenant. Ce qui existe maintenant en Iran et en Irak, etc., s'appelle les Rawafid, les Rafidites. Rawafid, ça vient en arabe de Rafada. Il n'a pas accepté, il a réfuté. Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté? Il n'accepte pas qu'on dise de Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab, les deux grands califs, les deux grands premiers, il n'accepte pas qu'on dise de Radiallahu ta'ala anhum, que Allah ta'ala les agrée. Ils n'acceptent pas cette phrase. Il faut que tu les maudisses. Que tu dises Abu Bakr, que Allah le maudisse. Et Omar, que Allah le maudisse. Si tu dis comme ça, voilà, tu es dans le vrai chemin, tu es un Rafidi, tu es quelqu'un que Allah ta'ala aime, d'après eux, que Allah les maudisse. D'après eux, que Allah les maudisse. Et ils ont même comme nous, subhanallah, comme nous, on a des invocations, vous lisez tous par exemple la citadelle du musulman. Vous avez des invocations du matin, des invocations du soir. Eux, ils ont des invocations du matin où il faut maudire Abu Bakr et Omar. Et des invocations du soir, il faut s'asseoir et maudire Abu Bakr et Omar. Ils vont dire comme ça, tu vas aller au paradis. Et moi, je dis que Allah Ta'ala les maudisse. Et on doit aussi quoi? On doit aussi, ça c'est la première secte. Et la deuxième secte égarée, c'est Nawasib. Alladhina yubriduna al-bayt. La deuxième secte, c'est exactement le contraire. C'est une secte qui est à l'opposé de la première. Celle-là, elle s'appelle Nawasib. Celle-là, elle maudit et elle n'aime pas et elle est, subhanallah l'adhim, les gens de la maison du messager d'Allah. Elle est Ali ibn Abi Talib et elle est toute la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق حق الصحبة وحق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou a dit, et on atteste que, نعم, أن لآل البيت, que les gens de la famille, les gens de la maison du messager d'Allah, s'ils sont des compagnons, car quelqu'un peut être de la famille du messager d'Allah et ne pas être un compagnon. Par exemple, le fils du fils du fils. Celui-là, il n'est pas un compagnon, mais il est de la famille du messager d'Allah. Mais Cheikh dit, si la personne est en même temps de la famille du messager, alayhi salatu salam, et en même temps, c'est un compagnon. Il a dit, il a trois droits sur nous, trois droits. Le premier droit, le fait d'être un compagnon. Le deuxième droit, le fait d'être un croyant. Car toute personne qui est une croyante, elle a un droit sur nous. Et le troisième droit, le fait d'être de la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Maintenant, on va parler un peu des compagnons, toujours, radiallahu ta'ala anhum, et vous donner quelques maloumettes, quelques informations, inshallah, et corriger certaines choses. Non. Le compagnon, écrivez-moi d'abord numéro 1, barakallahu fikoum. Alhamdoulilah. Donc, le compagnon est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et qui est mortel. Ça, on l'a expliqué plusieurs fois, je le répète très vite, ma'alish, yani, il a dit que la tenfa'ul mu'minin, pour que quelqu'un soit un compagnon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas seulement qu'il ait vécu en son époque en étant croyant. Non, il faut qu'il aille le rencontrer au moins une fois pour s'asseoir avec lui, c'est-à-dire se grouper avec lui. Et même si cette personne est aveugle et ne le voit pas, même si cette personne est sourde et ne l'entend pas parler, l'essentiel c'est quoi? C'est de l'avoir rencontré croyant, en étant croyant, et ensuite, deuxième condition, de mourir croyant. Car il est possible que quelqu'un aille rencontrer le messager d'Allah alayhi wa sallam, en étant croyant, le rencontre, et un an après, il apostasie. Et il meurt. Dans ce cas, ce n'est pas un compagnon. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs entre tous les compagnons des prophètes. Donc les compagnons de notre prophète alayhi wa sallam, non seulement sont les meilleurs parmi les autres gens, mais aussi sont les meilleurs parmi même les autres compagnons. Car vous savez que chaque messager avait ses compagnons. Moussa alayhi wa sallam, Moïse, il avait ses compagnons les plus proches d'eux. Et Isa, Jésus alayhi wa sallam, avait aussi ses compagnons les plus proches d'eux. Mais les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, Muhammad alayhi wa sallam, ses compagnons sont les meilleurs. Pourquoi? Il a dit dans un hadith que j'ai cité tout à l'heure, apporté par Bukhari et d'autres, il a dit, les meilleurs hommes sont ceux de mon siècle. C'est-à-dire pas ceux des autres siècles. Les meilleurs hommes sont ceux de mon siècle. Et maintenant, ça me rappelle aussi que vous devez peut-être connaître, naam, que Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique, ou Abdullah ibn Mas'ud, mais c'est un hadith authentique, mawquf. Mawquf, ça veut dire que ce n'est pas le messager d'Allah qui l'a dit, c'est un compagnon qui l'a dit. C'est pour ça qu'on dit hadith mawquf. Naam. À l'opposé de hadith marfou'. Quand on dit marfou', ça veut dire que le messager d'Allah l'a dit. Quand on dit mawquf, ça veut dire un compagnon l'a dit. Et quand on dit maqtou', ça veut dire le fils d'un compagnon qui l'a dit. Al-Mu'im. Ici, on a un hadith mawquf. Où Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit que, je vous donne à peu près le résumé, il a dit, c'est-à-dire je le dis en mes termes, il a dit que Allah ta'ala a, si je puis dire, a vu à l'intérieur des gens. À l'intérieur des gens, c'est à l'époque du messager d'Allah, avant que le messager d'Allah ne devienne prophète. Il a dit, a vu à l'intérieur des gens, il a trouvé que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus pur. Il l'a choisi pour lui donner la prophétie. Car la prophétie, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir de nous-mêmes. C'est-à-dire, quelqu'un va dire, je vais passer toutes les nuits à prier, je vais passer toutes les journées à jeûner, je vais donner tout mon argent au fils d'Abillah, je vais combattre pour la cause d'Allah, peut-être je vais devenir messager. Ça, en islam, il n'y a pas. Le messager, le prophète, c'est quelqu'un que Allah Ta'ala a choisi. Ce n'est pas une personne qui peut devenir d'elle-même ou bien les gens la choisissent. Ça, c'est impossible en islam. Al-Mu'im, il a dit que Allah Ta'ala a vu dans les cœurs des hommes, hein, il a vu que le cœur du messager sallallahu alayhi wa sallam était le cœur le plus pur. Il l'a choisi comme prophète. Ensuite, il a vu encore dans les cœurs, il a vu que les cœurs des compagnons ou bien des gens qui vivaient autour du messager d'Allah étaient les plus purs. Il les a choisis pour être ses compagnons. Il les a choisis pour être ses compagnons. Ensuite, il a dit, les plus méritants des compagnons sont qui? D'ailleurs, même les compagnons entre eux-mêmes, yani, ils n'ont pas tous le même statut. Les plus méritants d'entre eux, c'est qui? Ce sont les émigrés, les muhajirun, qui sont partis de la Mecque vers Médine. Pourquoi ce sont les meilleurs? Car ils ont à la fois le mérite de l'émigration avec le prophète et celui de son soutien. Viennent ensuite en deuxième position les alliés de Médine, l'Ansar. Ceux-là n'ont yani, qu'un seul mérite. Quel est le mérite? Leur mérite, le mérite d'avoir soutenu le messager d'Allah. Mais ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la hijra. Ils n'ont pas fait l'émigration. Alors, ils ne peuvent pas émigrer de leur pays vers un pays de mécréance. Ils ne peuvent pas aller vers la Mecque. Non? Quant aux muhajirun, ils ont un autre mérite, celui d'avoir quoi? D'avoir fait l'émigration. Ensuite, les plus méritants des muhajirin, les plus méritants de ceux qui ont fait l'émigration, sont les quatre califes orthodoxes bien guidés. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, que Allah Ta'ala les agrée. Quant au premier qui s'appelle Abu Bakr, surnommé Siddiq, qu'est-ce que c'est? Le véridique. Il n'a jamais douté d'une chose que lui a dite le messager d'Allah. Jamais, jamais, jamais il n'a douté. Jamais il n'a douté. Au point où, quand le messager d'Allah a fait l'ascension, il est monté vers Allah Ta'ala. Il est monté vers Allah Ta'ala, vers les cieux. Septième ciel, Sidrat al-Muntaha. Et les gens, bien sûr, les kuffars, quand ils ont entendu que le messager d'Allah prétend avoir en une nuit être allé de la Mecque jusqu'à Palestine. Et c'est pas la peine de dire qu'il est allé vers le... Il a fait l'ascension. Quand ils ont entendu seulement cette chose, ils n'ont pas cru, bien sûr. Ils ont dit, si tu es véridique, alors décris-nous, le Quds, et décris-nous le chemin d'ici vers la Palestine. Car ils savaient qu'ils n'y est jamais allé vers là-bas. Alors, quand on a dit ça à Abu Bakr, les kuffars ont dit à Abu Bakr, ils ont dit, celui-là, il prétend qu'en une nuit, il est parti d'ici de la Mecque vers Palestine. Alors que tout le monde sait que pour aller de la Mecque vers Palestine, il faut des mois en chameau. Et celui-là, celui que tu suis, celui-là, ce Mohammed, il prétend l'avoir fait en une nuit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il ne savait même pas qu'il a fait l'ascension. Il a répondu, je jure par Allah que s'il me disait qu'il est monté vers les cieux, je le crois. De ce jour-là, il a été appelé le véridique, c'est-à-dire. Tout ce qu'il apprend du message de là, il lui dit, il ferme les yeux, il dit, je crois en ce que tu dis. Son nom complet, c'est Abdullah ibn Uthman ibn Amir, issu de la tribu de Taym ibn Mura ibn Kab. Il fut le premier homme à avoir embrassé la foi et cru à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut son compagnon, lors de l'émigration et son remplaçant en prière et au pèlerinage. Il fut également son successeur, son calife, à la tête de la nation après sa mort. C'est pas la peine de vous dire combien qu'il a aidé, combien qu'il a donné de ses biens et de son argent pour la cause de l'islam, pour la cause d'Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, jamais de l'argent ou des biens ne m'ont aidé comme l'argent ou les biens que j'ai reçus de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. C'était yani, vraiment quelqu'un que Allah ta'ala a choisi pour seconder le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu avait été la cause de la conversion de 5 personnes parmi les 10 promises au paradis. Vous savez tous qu'il y a un hadith authentique où le messager d'Allah a dit que 10 seront au paradis. 10 de vous seront au paradis et il les a cités avec les noms. Parmi ces 10, 5 d'entre eux sont rentrés en islam par la cause de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, à savoir Uthman ibn Affan, le troisième calife, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha, Abdurrahman ibn Awf et Saad ibn Abi Waqqas. Enfin, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, mourut au mois de Jumada al-Akhira, de l'an 13 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. À l'âge de 63 ans. Et c'est pas la peine de vous dire que, naam, il avait donné sa fille Aïcha, Aïcha radiallahu ta'ala anha, naam, à au messager d'Allah. Donc c'est aussi quoi? C'est son gendre. Il est le gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il est le beau-père, naam, de son épouse Aïcha. Il est le père, hein, il est le père de l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qu'on appelle aussi Siddiqatu bintu Siddiq, la véridique, naam, du véridique, son père qui était véridique. Naam. Et les cinq fidèles qu'on vient de citer sont avec Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn al-Haritha. Ibn al-Haritha sont les tout premiers hommes à avoir embrassé l'islam selon une version de Ibn Ishaq. Donc celui-là c'est qui? C'est le premier calife, Abu Bakr Siddiq. Le deuxième, Omar ibn al-Khattab, Abu Hafs de sa kunya, surnommé en islam Al-Farouq, c'est-à-dire celui qui discerne le vrai du faux. Al-Farouq, celui qui discerne le vrai du faux. Omar ibn Khattab est issu de la tribu des Uday ibn Ka'b ibn Lu'ay. Il embrassa l'islam en l'an 6 de l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après quelques 40 hommes et 11 femmes. La nouvelle de son adhésion à l'islam fut la joie des musulmans à l'époque. Pourquoi? Puisque l'islam devint désormais fort à la Mecque. L'islam devint désormais fort à la Mecque. Et dès que les gens apprirent que Omar allait rentrer en islam, les croyants tous se sentirent comme des lions, alors qu'ils se sentaient auparavant, ils avaient vraiment peur des mécréants. Non, maintenant, ils commencèrent à se sentir comme des lions lorsqu'ils apprirent que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu est rentré en islam. Non. Abu Bakr le désigna son successeur à la tête de la nation. Devenant ainsi calife, il assuma pleinement ses responsabilités jusqu'à ce qu'il tomba martyr, tué par un ennemi de l'islam au mois de Dhul-Hijjah de l'an 23 de l'Hégire à l'âge de 63 ans. Vous remarquez que lui aussi est mort à l'âge de 63 ans. Qui est mort avant lui à l'âge de 63 ans? Abu Bakr Siddiq. Et qui est mort avant Abu Bakr Siddiq à l'âge de 63 ans? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les trois sont morts à l'âge de 63 ans. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, quand je lis le hadith rapporté par Tirmidhi avec Isnad Sahih, comme dit l'Albani Allahyarhamou, yani je sens la chair de poule, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un Nabi, Nabi c'est-à-dire prophète, s'il y avait, ou là, s'il va y avoir un prophète après moi, ce sera Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. Regardez ce rang, ce haut rang. S'il va y avoir quelqu'un, il n'y aura pas. Mais si jamais, c'est-à-dire si on supposait, c'est tout, si on supposait que quelqu'un allait venir après moi, messager, ce sera alors Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. Ensuite, Omar ibn al-Khattab avait cette particularité qu'aucune personne n'avait avec lui, du moins en son époque, c'était quoi? C'est le fait d'être, je ne sais pas comment on dit ça en français, je ne sais pas si ça existe, il avait ce qu'on appelle nous l'intuition, ce qu'on appelle nous le sixième sens. C'est-à-dire avant que la chose n'arrive, il la sentait. C'est plusieurs fois, pourquoi? Plusieurs fois il est arrivé qu'ils disent une chose dans son cœur et Allah Ta'ala yani, la fasse des prémonitions. Naam, qu'Allah Ta'ala la fasse yani, en vérité. Naam. Je donne un exemple. Avant de dire cela, je vous donne son délire. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit qu'il n'y a pas une nation où il n'y a pas des gens qui ont des prémonitions. Et le sixième sens, il a dit, il n'y a pas une nation, il n'y a pas des gens comme ça. Et s'il y a dans ma nation, C'est Omar ibn Saadi, le messager d'Allah, dans un hadith authentique. Et s'il y a dans ma nation, c'est Omar ibn Khattab. Et en effet, Omar ibn Khattab est rentré une fois chez le messager d'Allah. Il a vu comme ça ses femmes, etc. Il lui a dit, ya Rasulallah, comme ça, tes femmes, comme ça, yani, elles reçoivent tout le monde. Ensuite, tout le monde. Ensuite, il y a les gens qui rentrent chez toi, yani, bien sûr, pour te demander des choses, etc. Et ils rentrent chez toi. Et il y a, des hypocrites entre eux qui rentrent. Il y a je ne sais pas qui. Et ils voient comme ça tes femmes, leurs cheveux, etc. Si tu leur demandais de se cacher, ils prennent la lardine. Et dès qu'il a dit comme ça, Allah Ta'ala a fait descendre le verset. Il a fait descendre le verset où il demande au messager d'Allah et à toutes les femmes de se voiler devant les étrangers. Et si on devait parler aux femmes du messager d'Allah, c'est plutôt ce verset, si on devait parler aux femmes du messager d'Allah, on devait leur parler derrière un rideau. Derrière un rideau. Naam. Ou bien elles devraient être voilées quand elles doivent rencontrer des hommes. Et une fois, naam, il était comme ça devant la Mecque et il a dit, et si on faisait la prière ici, devant cet endroit-là, qui s'appelle Maqam Ibrahim, si on faisait la prière ici. Dès qu'il a dit comme ça, Allah Ta'ala a fait descendre le verset. Il a fait descendre le verset où il a dit, « وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى » Et faites la prière devant cet endroit-là de Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Il dit une chose, elle arrive. Mieux que cela, quand la tête des hypocrites, le grand chef des hypocrites, Naam, est mort, Abdullah ibn Ubay, ou Seloul, et que le messager d'Allah a hésité s'il devait faire la prière sur lui ou pas, et que enfin, il a choisi de faire la prière sur lui. Il a dit pourquoi? Parce que apparemment, c'est un musulman. Je le vois dans la mosquée, il dit la ilaha illallah, il dit là. Quand il ce qu'il y a dans les cœurs, je n'ai pas été pas demandé d'ouvrir les cœurs des gens pour savoir s'ils sont croyants ou pas. Alors il a dit, moi je prends sur l'apparence, je fais la prière sur lui. Quand il a voulu faire la prière sur lui, Omar ibn Khattab n'a pas accepté. Il l'a retenu, le messager de Allah, par son qamis. Il lui a dit, ne fais pas la prière sur lui. C'est un munafiq, c'est un hypocrite. Il a dit, non je fais. Il a dit, Allahu Akbar, il a fait la prière de la janaza, la prière du mort. Quand il a fait la prière du mort, Allah Ta'ala a fait descendre un verset où il lui a dit, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Il lui a dit, la tusalli ala qabri. Allah Ta'ala a fait descendre le verset où il dit, il ne faut pas faire la prière sur lui. Il ne fallait pas la faire. C'est-à-dire, c'est Omar ibn Khattab qui a raison. Cette personne-là est morte, hypocrite, mécréante. On ne doit pas faire la prière sur elle. Subhanallah al-Azim. Et Ibn Hajj al-Asqalani, dans son livre Fath al-Bari, a rapporté 15 endroits où Omar ibn Khattab dit une chose et d'autres personnes disent une autre chose. Allah Ta'ala fait descendre un verset en concordance avec ce que dit Omar et non pas en concordance avec ce que disent les autres. Subhanallah al-Azim. C'est voir à tel point il avait des prémonitions, à tel point il avait une intuition, à tel point yani, quand il parlait d'une chose, elle tombait exactement comme ce qu'il disait. Mais ce qui est plus étonnant que cela, plus étonnant, beaucoup plus étonnant que cela, c'est que ce qui est rapporté dans un hadith authentique, qui se trouve dans beaucoup de livres, où il est dit quoi? Où il est dit qu'une fois, Omar ibn Khattab, quand il était calife, il a envoyé une expédition pour combattre les ennemis. Le chef de l'expédition qu'il a envoyé s'appelait Seria. Son nom, c'était Seria. Ce chef, quand il est allé faire la guerre à des centaines de kilomètres loin de Médine, quand il était en train de combattre, il lui est arrivé certains problèmes. Et, bien sûr, il est loin, personne ne peut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et Omar ibn Khattab, il était à Médine, à des centaines de kilomètres, si ce n'est pas des milliers, loin de lui, sur le mimbar, en train de faire peut-être salat Jumu'ah, la khutba, et soudainement il s'arrête. Il s'arrête de la khutba, et il appelle et il crie. Il dit, Ya Seria, il appelle Seria, le chef qu'il a envoyé à des centaines de kilomètres, il l'appelle de sur le mimbar, Il l'appelle sur la chair, subhanallah. Il s'arrête, il dit, Yeseria, Yeseria, El Djebel, la montagne, Yeseria, la montagne. Subhanallah, l'adim. Yani, les gens se sont étonnés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, celui-là? On était dans une khutba, il s'est arrêté, il a appelé Seria, Seria n'est pas avec nous, il est parti faire la guerre. Et les gens se sont étonnés. Et quand l'expédition est revenue, naam, Seria radiallahu ta'ala anhu est allé dire à Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, naam, je voudrais beaucoup te remercier, jazakallahu khayran, naam, car quand tu m'as appelé, naam, l'ennemi allait nous venir du dos. Naam, alhamdoulillah que j'ai entendu ta voix nous dire, yani, protégez-vous de la montagne, protégez-vous de la montagne, yani, donnez votre dos à la montagne pour que l'ennemi ne viennent pas du côté de la montagne. Alors, subhanallah, l'adim, comment se fait-il que quelqu'un puisse appeler quelqu'un à des centaines de kilomètres, lui donner, non pas, mais lui recommander une chose. C'est ce qu'on appelle maintenant de nos jours, ça s'appelle la télépathie. Vous savez que ça c'est la télépathie, on dit, une personne peut communiquer avec une autre à des centaines de kilomètres ou je ne sais pas quoi. Si quelqu'un dit que la télépathie existe, nous, on va pas lui dire, tu es un menteur. Mais on lui dit quoi? On lui dit, bonjour, tu viens de te réveiller. La télépathie existe chez nous depuis 1500 ans. Naam, la télépathie existe depuis 1500 ans. On lui dit, bonjour, tu viens de te réveiller. Va prendre ton café. Naam. Elle dit, c'est quoi? C'est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, assassiné. En martyr au mois de Dhul-Hijja en l'an 35. Assassiné par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Feyrouz. Sa kunya c'est qui? Abu Lu'lu'a. Un Majusi. Un Mazdéen. Quelqu'un qui adore le feu. Un adorateur de feu. Naam, subhanallah al-azim. Un adorateur de feu qui est venu et s'est infiltré dans les rangs des musulmans. Et il est resté comme ça au premier rang, salat subh, salat al-fajr, et quand Omar al-Khattab a dit Allahu Akbar, et a commencé à lire, il a sorti son poignard, il était juste derrière lui je crois, et il a avancé vers lui, et il l'a poignardé combien de fois, yani dans le dos, et peut-être même de devant, naam, et ensuite, il s'est faufilé entre les rangs, et bien sûr, ils ont tous arrêté la salat, et ont couru derrière lui, et ils l'ont attrapé, et avant qu'il ne l'attrape, le maudit, en se faufilant entre les rangs, il a tué 11 personnes ou bien 15 autres avec lui, et avant qu'il ne l'attrape, il s'est suicidé en se tuant lui aussi, que Allah Ta'ala le maudisse. Feyrouz Abu Lu'lu'a, que Allah Ta'ala le maudisse, que Allah Ta'ala le maudisse, que Allah Ta'ala le maudisse. Mais, ce qui fait mal au cœur, c'est pas seulement ce qu'a fait ce maudit. Mais écoutez ce que je vais vous dire maintenant qui va vous faire vous aussi mal au cœur. Naam, c'est que les rafidites, les chiites, les khoubata, les maudits, naam, qui se trouvent en Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit, je ne sais pas comment on dit ça en arabe, une quubba, une sorte, voilà, maintenant j'ai le mot, alhamdoulilah, un mausolée. Ils ont construit un mausolée, naam, où, yani, au nom de qui? Au nom de ce habit, au nom de ce maudit, Abu Lu'lu'a. Comme quoi, il est enterré sous ce mausolée, un mausolée comme ça, avec, par exemple, un peu en or, orné, etc., où c'est écrit, Abu Lu'lu'a, radiyallahu ta'ala anhu, Abu Lu'lu'a, que Allah ta'ala l'agré. C'est écrit en grand. Moi, je l'ai vu. Vous aussi, vous pouvez le voir. Ça se trouve dans Internet. Vous rentrez dans Google, vous écrivez Abu Lu'lu'a, vous allez le trouver. Vous allez le voir comme ça en grand. Et jusqu'à de nos jours, ils tournent autour d'eux. Hein, les Rafidites, les Iraniens, tournent autour d'eux, de ce mausolée. Et pire que cela, ils lèvent les mains vers le ciel et ils disent « Ya Allah, ô Seigneur, yani, faites de sorte qu'on soit ressuscité, achorna, faites de sorte qu'on soit ressuscité avec Abu Lu'lu'a. » Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Ya Rab, Amin, Ya Rab, Amin. Ya Rabbi, Amin, Ya Rabbi, Hushurum avec Abu Lu'an. Ya Rabbi, Amin, Amin. Jour et nuit, où vous aussi dans vos salats, dites Amin, Amin, pour qu'Allah Ta'ala les fasse venir demain avec Abu Lu'an. Regardez, subhanallah al-adim, regardez, subhanallah al-adim, na'am, comment quelqu'un maudit comme ça, ils disent de lui que Allah Ta'ala l'agrée, et comment un calife bien guidé, comme Omar al-Khattab, lequel le messager d'Allah a dit, s'il va y avoir un messager après moi, ce sera Omar. Celui-là, ils disent de lui, c'est quoi? Ils disent de lui, c'est un maudit, c'est un kafir. Regardez, lorsque Allah Ta'ala aveugle les cœurs, ou le cœur de quelqu'un, comment que les choses, yani, subhanallah al-adim, s'opposent chez lui. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Regardez, Allah Ta'ala dit dans le Coran, et فَمَنْ, bon, c'est difficile à traduire, je dis à peu près de ma tête, فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا. Il a dit, et celui qui, yani, Allah Ta'ala lui a embelli, on lui a embelli ses mauvaises actions, il les a vues belles. On lui a embelli ses péchés, et il les voit beaux. Ensuite, il a dit, Allah Ta'ala a dit, mais Allah, le Seigneur, yani, égare qui il veut et guide qui il veut. Combien de gens, n'am, qui font des grands péchés et sentent ou le trouvent qu'ils sont en train de faire de bonnes choses, de belles choses, n'am, alors qu'ils font des grands péchés. Et ils croient qu'ils sont en train de faire de bonnes choses, que Allah subhanahu wa ta'ala nous quoi, nous guide. Je crois, Inch'Allah Ta'ala, bon, il reste combien? Il reste 5 minutes. Inch'Allah Ta'ala, 5 ou 10 minutes. Le troisième bien guidé, Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, Abu Abdillah, surnommé Dhul Nurayn, celui qui avait les deux lumières. Hein? Uthman ibn Affan, issu de la tribu de Banu Umayya. Ibn Abd Shams, Ibn Abd Manaf. Il embrassa l'islam avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fréquentait la maison de l'Arqam, lors de la prédication secrète. Il était très riche et généreux. Naam. Et celui-là, radiallahu ta'ala anhu, yani, vraiment, vraiment, vraiment, Allah est témoin combien qu'il a donné de son argent, de son propre argent, pour la cause de l'islam. Naam, pour la cause de l'islam. D'ailleurs, il a même, yani, comment dire, djish, yani, comment on dit djish en français? C'est pas les soldats, c'est pas les guerriers, une armée. Il a même, subhanallah, toute une armée, c'est lui qui l'a, yani, qui l'a préparé, qui lui a donné tout ce qu'il faut, il lui a acheté tout ce qu'il faut, yani, pour qu'elle combatte. Voilà. Il a fait ça une fois, bilnatal. D'ailleurs, il fut le calife, après Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, sur accord du conseil de délibération, qu'ils ont choisi, et mourut assassiné en martyr au mois de Dhul-Hijjah de l'an 35, à l'âge de 90 ans, selon certaines sources. À l'âge de 90 ans. C'est lui qui a équipé Naam. Ça. Et comme vous savez, Naam, c'est qui aussi? Bon, quand je parlais de Omar al-Khattab tout à l'heure, radiallahu ta'ala anhu, j'ai oublié de vous dire que c'est aussi le gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait épousé sa fille qui? Hafsa. Sa fille Hafsa, radiallahu ta'ala anha. C'est la fille de Omar al-Khattab. Quant à celui-là, Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, c'est le contraire. Celui-là, c'est lui qui a épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est lui qui avait épousé Ruqayya, il avait épousé même deux filles. Quand la première est morte, il lui a donné la deuxième, radiallahu ta'ala anha, il a épousé aussi Ummu Kulthum, avec ça, Ummu Kulthum, radiallahu ta'ala anha. Donc il a épousé deux filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là aussi, il est mort en martyr. Ce sont qui? Ce sont les Khawarij. Les Khawarij, les Takfiriyoun, les ancêtres de Salah 19 et de Palestinian 8. Naam. Et de, comment il s'appelle celui-là? Dor al-Sunniya. Celui qui a le salon qui s'appelle Apprendre l'Islam correctement. Naam. Les Takfiriyoun. Ceux-là, c'est un de leurs ancêtres. Un de leurs ancêtres qui a tué qui? Qui a tué Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Naam. Ils lui ont coupé la tête, radiallahu ta'ala anhu, et qu'Allah les maudisse. Naam. Ils sont venus d'Égypte. Là, leur grand chef était d'Égypte. Et il a rassemblé des milliers de gens, et de tous les coins du monde, et ils sont venus encercler la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait Uthman ibn Affan, et ils l'ont égorgé, et ils ont même coupé sa tête. Et ils ont même coupé sa tête, qu'Allah ta'ala l'agré. Qu'Allah ta'ala l'agré. D'ailleurs, attendez une seconde, je vois le verset. Naam, quand ils lui ont coupé la tête, il y avait sa femme qui était présente devant lui aussi, on lui a coupé sa main quand elle voulait barrer, elle voulait qu'on ne le frappe pas, on lui a coupé sa main. Mouhim, quand sa tête a été coupée, en le frappant avec l'épée, Naam, il était en train de lire le Coran. Et on l'a empêché de manger et de boire des jours et des jours. Subhanallah, on lui a tout interdit. Et on lui disait, laisse seulement le gouvernorat. Laisse seulement, c'est-à-dire le califat. Désiste-toi, donne-nous le hukm, donne-nous la gouvernance, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il disait, radiallahu ta'ala anhu? Il disait, naam, je vous aurais tout donné si c'était possible. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, attention, qu'Allah azza wa jal te mette un habit, un kamis, et que les hypocrites te demandent de l'enlever, attention que tu l'enlèves, jusqu'à ce que tu me trouves devant mon bassin. Il a dit, c'est ça qui m'empêche de vous donner le hukm, et de vous donner que vous soyez vous preniez la présidence ou la royauté. Prenez-la, mais je ne peux pas vous la donner, car le messager de Allah m'a dit, attention, si Allah Ta'ala va te donner un habit, c'est ça, le fait de gouverner, et que les hypocrites, vous savez, vous êtes des hypocrites, que les hypocrites te demandent de te désister, attention que tu désistes jusqu'à ce que tu me retrouves. Allahu Akbar. Il a dit, donc je préfère mourir plutôt que de désobéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tous les compagnons, les grands compagnons, Ali ibn Abi Talib, tous les autres, on lui dit, naam, lui ont dit, lui ont préconisé, s'il voulait, naam, qu'ils feront la guerre à tous ceux-là, tous les Khawarij qui sont venus maintenant l'encercler, mais il a dit non, je n'aime pas que le sang coule à cause de moi. Je préfère mourir plutôt que de faire couler le sang et de faire une grande fitna entre les musulmans. Je préfère qu'une personne meure plutôt que de faire mourir des milliers de gens, à cause de moi. Donc, il est mort assassiné avec la tête coupée, et quand il est mort, certains, parce qu'il a lâché le Coran, bien sûr, pour mourir, le Coran, quand il est tombé, hein, beaucoup de sang, yani, a giclé de son cou et de sa gorge, et certaines gouttes, naam, ont immaculé le verset, naam, sont allées directement au verset, yani ont taché le verset où Allah Ta'ala dit, c'est kfikahumullah, c'est-à-dire que Allah Ta'ala se vengera. Il y a un verset qui dit à peu près comme ça, Allah Ta'ala se vengera de toi, pas de toi, pour toi, yani, Allah Ta'ala se vengera, wa huwa sami'ul 'alim. Et il a tout vu, il a tout entendu. Naam. Et tous ceux qui l'ont tué, les trois et les quatre qui ont participé, naam, sont morts de la mort la plus atroce. D'ailleurs, l'un d'entre eux, je ne veux pas citer son nom pour ne pas faire une petite fitna, l'un d'entre eux, naam, il est mort même, vous savez où il est mort? Il est mort, subhanallah al-adim, brûlé dans un âne. On a pris un âne. on lui a enlevé tout ce qui, un âne mort, on lui a enlevé tout ce qu'il a à l'intérieur, il y a les intestins, etc., de l'âne, et on a mis cette personne à l'intérieur, et on l'a brûlé avec l'âne. Subhanallah, l'adim, une mort atroce. On l'a brûlé vivant à l'intérieur de l'âne. Une mort atroce. La hawla wa la quwwata illa billah. La quatrième personne, Ali, le quatrième calife, Ali, ibn Abi Talib, Abu al-Hassan, sa kunya. Il a qui? Hassan ou Hussein, entre autres. Mais il a beaucoup, beaucoup d'enfants. Entre autres, Hassan et Hussein. Et je vous avais dit que ce ne sont pas des jumeaux. Il y a Hassan, et un an après, il y a Hussein. Car beaucoup de gens croient que ce sont des jumeaux. Le nom de son père, c'est Abu Talib, Abdou Manaf, ibn Abdul Muttalib. Il fut le premier à avoir embrassé l'islam parmi les enfants. Le premier parmi les enfants à avoir embrassé l'islam. Et le premier parmi les vieux à avoir embrassé l'islam, Abu Bakr Siddiq. Et le premier parmi les femmes à avoir embrassé l'islam, c'est Khadija. Et le premier parmi les esclaves à avoir embrassé l'islam, c'est Bilal. Et comme ça, il y a beaucoup de premiers. Le premier dans telle ville, le premier dans tel pays. Et comme ça. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait remis l'étendard du commandement des armées lors de la bataille de Khaybar, qu'il remporta glorieusement grâce à Allah azza wa jal. Il fut institué calife suite à l'assassinat de Uthman ibn Affan. Il fut alors le calife légitime jusqu'à ce qu'il fût assassiné lui aussi et mourut en martyr au mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, à l'âge de combien? À l'âge de 63 ans. Allahu Akbar. Le messager d'Allah est mort à 63 ans, Abu Bakr Siddiq est mort à 63 ans, Omar ibn Khattab est mort à 63 ans, et Ali ibn Abi Talib est mort à 63 ans. Subhanallah, Allahu Akbar. Celui-là, bien sûr, c'était aussi qui? Le gendre du messager d'Allah. Et son cousin, le fils de son oncle. Et le gendre, car il était l'époux de sa fille bien-aimée, Fatima, radiallahu ta'ala anha. C'est son époux, Ali ibn Abi Talib, c'est son époux. Naam. Donc, si on remarque bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il y a quatre califes, les quatre califes bien guidés, qui sont venus après lui. C'est-à-dire, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Parmi ces quatre califes, les deux premiers, Abu Bakr et Omar, ont donné leur fille au messager d'Allah. Le premier lui a donné Aïcha, le deuxième lui a donné Hafsa. Et les deux autres, c'est-à-dire Uthman et Ali, ont pris du messager d'Allah ses filles. C'est-à-dire le premier Uthman a pris Ruqiyya Umm Kulthum, et le dernier Ali ibn Abi Talib a pris qui? A pris Fatima radiallahu ta'ala. Donc les quatre se sont en même temps, quoi? Ils ont un point commun, ce sont ses gendres, ses successeurs, ses gendres. Naam. Et celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, c'est qui? Naam. C'est Abdurrahman ibn Muljim. Quelqu'un, naam, qui a tué Ali ibn Abi Talib, il l'a attendu, il l'a guetté, épié, quand il est sorti pour faire la prière du matin, comme Omar ibn Khattab, la prière du Sobh. Et il l'a frappé avec l'épée en plein milieu de la tête. En plein, imaginez quelqu'un qui sort comme ça et on le frappe, yani sans qu'il sache, en plein milieu de la tête de face. Et bien sûr, il lui a ouvert sa tête en deux. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait averti Ali. Il lui a dit que tu mourrais ainsi. Il lui a même une fois pris, yani comme ça, sa barbe. Il lui a dit, qu'en feras-tu lorsque ta barbe sera pleine de sang? Yani le jour où on te tuera, et le sang, bien sûr, remplira ta barbe. Et lui-même, il disait, quand est-ce qu'arrive ce jour? Plusieurs fois, il chantonnait comme ça un vers de poésie en arabe, où il disait, quand est-ce qu'il va arriver ce jour-là? Quand est-ce qu'il va arriver ce jour-là? Et, bien sûr, quand il a été tué, vous savez pourquoi il a été tué? Il a été tué parce qu'ils ont voulu le tuer, ses ennemis ont voulu le tuer, et n'ont pas trouvé comment. Alors une femme leur a dit, vous voulez le tuer, c'est très facile. C'est très facile. Et elle a commencé, elle a choisi quelqu'un, et elle a commencé à lui montrer, par exemple, qu'elle l'aimait, etc. C'est elle-même qui lui a fait la cour, comme quoi elle l'aimait, etc. Ensuite, elle lui a dit, c'est vraiment tu veux de moi, mon butin, c'est que tu me ramènes la tête de Ali ibn Abi Talib. Mon butin, ce n'est pas de l'or et ce n'est pas de la parure, ni une belle montre, mais tu me ramènes la tête de Ali ibn Abi Talib. Et il est allé, bien sûr, et il est arrivé à son dessein, qu'Allah Ta'ala le maudisse. Et il l'a tué, il lui a coupé la tête. Allah Ta'ala le maudisse. Ce sont donc les quatre califes bien guidés, radiyallahu ta'ala anhum. J'arrête ici, inshallah ta'ala. Il est 22h40. 22h40, bidna subhanahu wa ta'ala. Je vais répondre à vos questions dans un quart d'heure, inshallah ta'ala, 20 minutes. C'est-à-dire le temps d'aller manger quelque chose, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas que les questions, inshallah ta'ala, d'aujourd'hui sont seulement dans la aqida et le minhaj. Naam. Et mettez, inshallah, le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib. Abu Ghaydi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, il a terminé. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Qu'Allah Ta'ala vous préserve ainsi que votre famille. Ma question porte sur l'essuyer. Si j'ai prié avec mes chaussettes toute la journée sans les enlever, ça veut dire que ce frère sait que. Naam, fiqh. Ce frère sait que dans le fiqh, yani, je ne réponds pas, sauf si c'est salat. Sauf si c'est salat. Vu l'importance de ce pilier. Là. Taïb, il a dit, si j'ai prié avec mes chaussettes toute la journée sans les enlever, est-ce que je peux faire l'essuyer le lendemain pour le Fajr? Barakallahu fikum. La réponse, Inch'Allah ta'ala, si la personne n'a pas enlevé ses chaussettes et elle s'est endormie avec, naam, et que à partir du moment où elle a essuyé la première fois, ça n'a pas dépassé 24 heures, donc elle peut, Inch'Allah Ta'ala, le lendemain, continuer à essuyer bi'idhni azza wa jalla. Donc, une personne qui met les chaussettes doit compter 24 heures à partir du moment, non pas où elle les a mises, mais à partir du moment où elle a essuyé la première fois. C'est-à-dire, je peux mettre mes chaussettes pendant le Fajr, et je n'essuie que pendant Salat al-Dhuhr. Donc je vais compter 24 heures à partir de Salat al-Dhuhr. Wallahu ta'ala a'lam. Inch'Allah ta'ala, je vous donne le micro maintenant au Paltok. Tfadlal. La question chemin des salafs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Voilà, Sheikh, vous avez dit dans un cours, il n'y a pas très longtemps, que lorsque l'on récite la sourate al-Baqara, ou bien en mettant un CD à la maison, le shaitan, qu'Allah nous en éloigne, ne rentre pas pendant 3 jours. Est-ce que cela signifie que si chaque 3 jours, je mets cette sourate à la maison, le shaitan n'entre plus jamais dans la maison? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez entendu la question dans l'inspeak? Vous avez entendu la question sur le shaitan? Naam. Alhamdulillah. Tayyib, avant cela, je reviens encore une fois à ce que j'ai dit sur les chaussettes. Je reviens encore une fois. Parce que celui qui m'a posé la question vient de dire, quand j'ai dit 24 heures, si on a suivi la première fois le dhor, on a jusqu'au lendemain au dhor. Il vient de me dire, la première fois, c'était Salat al-Fajr. Moi, je dis, c'est un peu impossible. C'est impossible qu'on essuie le Salat al-Fajr. Car Salat al-Fajr, on se lève. Et si on se lève, on va faire les wudu, on va faire les ablutions. Et quand on fait les ablutions, on doit laver ses pieds. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre les chaussettes. Donc, c'est impossible qu'on essuie pendant Salat al-Fajr. Si on essuie, c'est pendant Salat al-Duha, ou pendant Salat al-Dhuhr, mais pendant la Sunnah avant le Dhuhr. Mais ce n'est pas on essuie Salat al-Fajr. Donc, sauf si on les a mis, bien sûr, la veille. Si on les a mis la veille, on a essuyé pendant Salat al-Dhuhr. Le lendemain, on essuie aussi pour Salat al-Fajr. Mais ce n'est pas le premier essuyage ou l'essuiement. Donc, je demande à la personne qui a parlé de cette chose de yani, méditer ce que je viens de dire. طيب. Ensuite, en ce qui concerne Surat al-Baqarah qui se lit et que le shaitan ne rentre pas pendant trois jours, je ne sais pas si cette personne a suivi beaucoup mes questions-réponses, mais que j'ai dit une fois que l'avis le plus fort, c'est que ça soit nous qui lisons le Coran et non pas la cassette. Naam, certains savants ont dit que le fait de mettre la cassette, c'est bien, ça fait sortir le shaitan, ça fait attirer les anges, etc. Ensuite, j'ai entendu, naam, ou bien lu, un avis qui est fort et beaucoup plus fort. C'est quoi? C'est le fait que le shaitan ne vient pas à condition que ce soit nous qui lisons le Baqara. Naam. Car en fait, vous voyez que cet avis est fort. Sinon, yani, on va mettre la cassette et nous, on est peut-être même, je ne sais pas où, peut-être même avec la télévision, l'un n'importe où, en train de rire et de rigoler. Et l'autre, il est en train de réciter, c'est-à-dire dans le vide. Il n'y a personne qui l'entend. Alors que Allah Ta'ala dit, « Fa'idha quri al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. » Donc l'avis le plus fort, c'est que ça doit être quelqu'un de nous, ou bien de la famille, qui lit le Coran. Quelqu'un de la maison. Et non pas, la cassette elle-même ne suffit pas. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadla inshallah ta'ala le suivant. Le suivant, c'est At-Tawadju 3. Je vous ai enlevé le raid, vous n'avez pas écrit votre question, donc inshallah je passe à Hafsa. Salam alaikum wa rahmatullah. Que peut-on donner comme preuve à une chrétienne pour lui montrer que la Bible a été falsifiée et que le Coran ne l'a pas été? Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une question pareille pourrait répondre à cette question quelqu'un qui connaît bien la Bible et connaît aussi bien le Coran et compare entre les deux et sait quels sont les endroits dans la Bible où il y a eu un falsifiement. Comme par exemple quelqu'un, comme par exemple Ahmed Didet, rahimahullah. Quelqu'un qui était un spécialiste, qui connaissait le christianisme comme on connaît nous le Coran. S'il ne connaissait pas plus. C'est pour ça que j'ai toujours dit que si quelqu'un veut réfuter les arguments de quelqu'un, ou bien par exemple le minhaj de quelqu'un, ou bien la aqida de quelqu'un, il doit bien connaître cette chose pour qu'il sache où sont les erreurs. C'est pour ça que je vous ai toujours conseillé de ne pas rentrer en polémique avec quelqu'un, si on ne connaît pas bien, comment réfuter ses dalils. Sinon il va rire de vous et va faire croire aux gens, et les gens vont croire que c'est lui qui a gagné. Il a dit plusieurs choses, vous n'avez pas pu les réfuter. Donc il vaut mieux se taire. Donc je dis, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien la Bible. Abou Mourouan a dit, je peux donner un exemple. Donc l'une des stratégies, Inch'Allah, c'est qu'au lieu de lui prouver que dans son livre, il y a des passages qui sont faux, et que ça va être difficile de Bimana de lui enlever les ambiguïtés, il faut faire la da'wa dans l'autre sens. On va lui dire, je vais te prouver avec ton livre, avec ce qui est écrit dans ton livre, que ma religion et mon prophète, c'est un vrai prophète. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des passages où Sidna Issa, Jésus alayhi salam, il dit à ses compagnons, comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Un faux prophète, Dieu ne lui donne pas la victoire. Un faux prophète, Dieu ne lui laisse pas écrire un livre en son nom. Un faux prophète, la troisième chose, c'était, subhanallah, il ne lui donne pas la victoire, il ne lui laisse pas écrire un livre en son nom. Et le troisième, et Allah alam, j'ai oublié c'est quoi le troisième. Et donc, et ben, puisque Jésus il a dit ça, et que le prophète de l'islam il est venu après Jésus, et que le prophète de l'islam il a eu la victoire et il a écrit un livre sous le nom de Dieu, et ben deux solutions. Soit Jésus il a dit la vérité, et s'il a dit la vérité, ben le prophète de l'islam c'est un vrai prophète, et si le prophète de l'islam c'est un vrai prophète, et ben il faut le suivre, puisque c'est un vrai prophète. Soit Jésus il a menti, et comme c'est un menteur, et ben je vais pas être un chrétien, parce que moi je vais pas suivre un menteur. Dans les deux cas j'ai raison. Et un jour j'ai dit ça à un chrétien, et il m'a répondu, oui mais Jésus il a dit qu'un vrai prophète il prêche dans le désert, et il est suivi par les pauvres. Wallah, que quand il m'a dit ça, je croyais qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, mais tu sais pas que le prophète de l'islam, il a prêché dans le désert et que les premières personnes à l'avoir suivi, c'était des pauvres. Eh ben, il a bien dit Jésus, il a dit la vérité, et le prophète de l'islam, c'est un vrai prophète. Si vous essayez de chercher les contradictions, ça va être difficile. Prenez les affirmations pour confirmer que l'islam, c'est vrai, et ça sera plus bénéfique, inshallah, dans ce sens-là. Salam alaikum. Alaykoum salam. Barakallahu fik. On revient à Bouqay, ce qu'il dit. Au Fajr, je fais des ablutions au Fajr normal. Ensuite, je garde les chaussettes toute la journée sans faire l'essuyer. Ensuite, je dors avec et je veux savoir si je peux faire le premier essuyer le lendemain en sachant que j'ai gardé mes chaussettes. Réponse, non, on ne peut pas. Parce que l'une des conditions, et la plus grande condition pour pouvoir essuyer sur ces chaussettes, c'est de les avoir mis, quoi? De les avoir mis après l'ourdeau. C'est-à-dire, on doit faire le wudu, ensuite faire rentrer les chaussettes avec le wudu. Maintenant, si tu fais, si après avoir fait les ablutions de Salat al-Fajr, tu mets tes chaussettes avec le wudu, après avoir fait le wudu, tu les mets, dans ce cas, d'accord. À chaque fois que tu perds les. Comment ça s'appelle? À chaque fois que tu perds les ablutions, tu essuies dessus. Et quand tu t'endors la nuit, tu t'endors avec les chaussettes. Et quand tu te relèves le matin, tu essuies dessus. Naam, comme ça, c'est possible. Mais si tu les fais rentrer sans avoir fait les ablutions, naam, ce n'est pas possible d'essuyer dessus. Naam, tfadla, inshallah, le suivant. Maintenant, je ne sais pas où on est, mais tfadla, je donne sur le pardon. Salam alaikum. J'ai la question j'ai la question. Inch'Allah, juste pour revenir sur Jésus, le troisième point que j'avais oublié, c'est donc un faux prophète. Un faux prophète, Allah, il ne lui laisse pas écrire un livre en son nom, il ne lui donne pas la victoire. Et la troisième chose, c'est qu'il ne lui donne pas une grande communauté. Et comme la communauté du prophète de l'islam, c'est une grande communauté, c'est la preuve que c'est un vrai prophète et pas un faux prophète. Et encore d'autres arguments. Allahu a'lam. La question, salam alaykoum wa rahmatullah shaykhuna. Un homme musulman de filiation qui ne pratique pas la religion, ni la prière, ni rien, peut-il faire sadaqa pour sa maman décédée ou cela est-il vain? Alaykoum salam rahmatullah wa barakatuh. Ma réponse est simple et très claire. Si cette personne est du genre qui reconnaît la salat et qui dit que la salat est obligatoire, mais maintenant, c'est-à-dire je suis faible, etc., je la ferai un jour, etc., il a ce souhait dans le cœur, d'après l'avis que dont je suis convaincu, c'est qu'il est toujours musulman et cette sadaqa va arriver bi-idhni azza wa jal. Mais s'il dit que la salat n'existe pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle salat, je la reconnais pas, c'est un kafir. Dans ce cas, c'est pas la peine qu'il fasse la sadaqa. Naam. On passe à Ibn Mustafa sur l'inspect dit: Salam alaykoum rahmatullah. Un frère vient de se faire opérer du pied. Il a été plâtré du pied jusqu'au genou. Les doigts du pied dépassent. Il voudrait savoir au niveau des ablutions comment faire. Et ainsi, qu'en est-il en prière? Il prie sur une chaise. Ses mains doivent toujours rester sur ses genoux, même lors du soujoud. Car il voit ceux qui prient sur une chaise les laisser dans le vide. Barakallahu fikoum. En ce qui concerne quelqu'un qui a un plâtre dans un pied, par exemple, jusqu'au genou, naam, celui-là, qu'est-ce qu'il peut? S'il peut, je dis s'il peut. S'il peut, il fait les ablutions normalement. Normalement, c'est-à-dire les mains, la bouche, le nez, les yeux, les cheveux, enfin les avant-bras, les cheveux, les oreilles. Ensuite, quand il arrive à ses pieds, il ne peut pas, puisqu'il a le plâtre. Ensuite, il prend le tayammum. Et il fait le tayammum avec la niyya, que dans le cœur, c'est pour les pieds qu'il n'a pas pu faire avec de l'eau. Donc le tayammum, ce n'est pas, il va toucher son plâtre avec le tayammum. Non, il fait le tayammum normalement. C'est-à-dire, il s'essuie les mains, il s'essuie avec le caillou, par exemple, la terre. Il essuie avec les mains, ensuite il fait le visage et les mains jusqu'au poignet, c'est tout. En mettant dans le cœur que ce tayammum, c'est pourquoi? C'est pour le genou qui n'a pas pu toucher avec l'eau. Quant à la façon de s'asseoir, s'il est assis, naam, il laisse, en étant dans le sujoud, il laisse ses mains sur ses genoux, Inch'Allah ta'ala. Naam. On passe, Inch'Allah ta'ala, au suivant sur Paltalk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حياكم الله. Y a-t-il un dalil sur le fait que chaque goutte de pluie est versée par un ange? Jazakallahu khayran شيخ. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne connais pas un dalil en ce sens. Je ne connais pas un dalil qui dit que chaque goutte qui tombe, naam, derrière chaque goutte, il y a un ange. Mais je connais que, en règle générale, toute la pluie qui tombe, naam, Allah Ta'ala a fait, yani, ou la, yani, comment dire, Allah Ta'ala a donné cette chose, la pluie, à un ange, qui s'appelle Israfil, qui en même temps lui a donné, par exemple, le fait de faire sortir les herbes et les plantes, etc. Et la pluie aussi vient de lui, c'est-à-dire c'est lui qui, comment on dit ça, attendez, c'est un peu difficile en français, c'est-à-dire Allah Ta'ala, c'est lui qui lui donne de faire cette chose. Mais personne ne peut faire tomber la pluie sans Allah Ta'ala. Mais c'est lui, disons, c'est lui qui s'occupe. C'est lui, Allah Ta'ala a fait que Israfil Afoun, s'occupe de la pluie et des plantes. Mais il n'y a pas comme ça un dalil que chaque goutte, il y a derrière elle un ange. Naam. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal, suivant. La question à Oum Younes Saad. Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Ma question est la suivante. Une sœur dit être touchée par un djinn et prétend savoir qui est responsable. En effet, elle a interrogé une amie qui a une sœur possédée. Elle a posé la question au djinn qui aurait répondu « C'est un tel. Est-ce que cela ne rentre pas dans l'invisible? Peut-on y croire ?» Barakallahu fikum, Cheikh. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde sait, bi'idhnillahi ta'ala, que ce genre de créature sont des spécialistes du mensonge. Et que Allah Ta'ala nous a montré et nous a appris que in ja'akum fasiqun bin ayyi alladhina ja'akum fasiqun fatabayyanu. Allah Azza wa Jalla nous a montré que et dit que si jamais un pervers nous vient avec une information, la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est on doit Yani, on doit chercher si c'est vrai. Naam. Quand un pervers nous dit une chose, ça ne veut pas dire on doit la rendre et ne pas l'accepter. Mais on doit chercher si cette chose est vraie ou cette chose n'est pas vraie. Naam. Donc ici, la même chose. Quand le djinn me dit une chose, je ne dois pas le croire. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois, yani, par exemple, chercher quelles sont les preuves de ce qu'il a dit pour savoir si c'est vrai ou pas. Naam, je dois chercher la preuve de ce qu'il a dit pour savoir si ce qu'il a dit est vrai ou pas. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala a dit, ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Il a dit, il faut voir et vérifier. Il a dit, an tusibu qawman bi jahala, fatusbihu ala ma fa'tum nadimin. Il se peut que, maintenant, vous allez faire du tort à des gens, sans que vous le sachiez. Alors il a dit, prenez garde. La même chose ici pour le djinn. Quand il dit quelque chose, je ne dis pas qu'il a raison. Je ne dois pas le croire. Ni dire qu'il n'a pas raison. Peut-être que ce qu'il dit, il a raison. Mais je vais chercher, tester, voir si c'est vrai, voir des indices, etc. Et si je trouve que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. C'est pas parce que c'est lui qui a dit ça. Non. Allah Ta'ala, mais on n'a pas le droit de le croire comme ça directement. On n'a pas le droit de le croire. Certains ont même dit ça rentre dans le coffre même, de croire le shaitan. Fadda, le prochain maintenant, c'est InSpeak, Inch'Allah. Istiqama, si tu as terminé, écris aussi numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah, Cheikh. Ma question, l'islam reconnaît-il les rêves prémonitoire, bon ou mauvais, doit-on en tenir compte ou pas? Jazakumullahu khairan d'être avec nous. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Wasmak istiqama, qu'est-ce que ça veut dire les rêves prémonitoires d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire les rêves prémonitoires? J'attends inchallah ta'ala ta réponse. Est-ce que tu veux dire ru'ya saliha? Est-ce que tu veux dire ru'ya saliha? Ah voilà. Naam, naam. Naam. Ru'ya saliha, ça existe. Bien sûr, c'est dans le Coran. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Man hum? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qu'est-ce qu'ils ont? Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. C'est quoi lahumul bushra fil hayati dunya? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui personne ne connaît le Coran et son interprétation mieux que lui, a dit en expliquant ce verset, il a dit lahumul bushra fil hayat dunya, ils ont la bonne nouvelle dans cette vie. Il a dit c'est le rêve prémonitoire, le rêve que la personne voit et qui se produit. Donc le rêve prémonitoire ada, il existe dans le Coran et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le hadith que je viens de citer rapporté par Ahmed est authentique dans Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jama'. Al-Muhim, et le messager d'Allah a dit dans un autre hadith authentique, il a dit que le rêve prémonitoire, il fait partie une partie, disons, des 46 parties de la prophétie. Naam. Mais s'ils sont mauvais, on oublie car c'est shaitan. Naam. Si c'est un bon rêve, quand on fait un bon rêve et on se réveille, si c'est un bon rêve, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le réalise et on ne le raconte à personne, sauf à une personne qui ou bien elle est savante dans la science pour nous donner son interprétation, ou bien s'il est très clair, il n'a pas d'interprétation, il est très clair, alors on ne le raconte aussi qu'à une personne qui nous aime, une personne qui nous conseille, qui nous aime. On ne va pas raconter ça à une personne qui est un ennemi ou à une personne qui est envieuse, hasida. Pourquoi? Car le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Il a dit, chaque personne qui a une ni'ma, elle est enviée par les gens. Et les gens les envient. Donc les gens, même dans un rêve, ils vont t'envier, et ce rêve ne va pas se réaliser, il va couler. C'est pour ça que tu dois cacher ce rêve, comme d'ailleurs a dit Yaqub à son fils, il a dit, Yabouni, il a dit, La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ne raconte pas ton rêve à tes frères. Il a dit à Yusuf alayhi salam. Nous, on ne doit pas raconter le rêve s'il est bien. Pourquoi? Parce que on va être envié et il va couler. Le rêve va couler, il ne va pas se réaliser. Si c'est un bon rêve, si c'est un mauvais rêve, c'est pire. On doit quoi? On doit dire A'oudou billahi minash-shaytanir rajim, on doit changer de flanc. Si on dormait sur le côté droit, on va se mettre sur le côté gauche. Si on était sur le côté gauche, on va se mettre sur le côté droit. Et on va cracher trois fois sur le côté gauche en disant A'oudou billahi minash-shaytanir rajim. Et si on peut encore, on se lève, on fait deux rak'at. Et on ne raconte jamais ce rêve à une personne. On ne raconte jamais ce rêve. Pourquoi? Pour l'effacer. Car tu as craché dessus trois fois, tu as dit A'oudou billahi minash-shaytanir rajim, et maintenant tu l'as effacé, donc ne le raconte pas. Si tu vas le raconter, c'est comme si tu vas le faire revivre encore une fois ce rêve, alors que tu l'as effacé, tu l'as tué, il est mort. Khlas, alhamdoulillah, il ne va pas t'arriver, cette mauvaise chose ne va pas t'arriver, bi'idhnillahi ta'ala. Et d'ailleurs les compagnons disaient, Wallahi, on voyait de ces rêves, quelqu'un disait, Wallah, je voyais des rêves comme ça, yani, atroces, qui pesaient sur mes épaules comme des montagnes, jusqu'au jour où, alhamdoulilah, j'ai appris le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que si quelqu'un voit un mauvais rêve, voilà qu'est-ce qu'il fait, il crache trois fois sur l'épaule gauche, il se retourne sur l'autre flanc, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui ce rêve, ou bien il se lève, il fait deux rak'at, et jamais il ne parle de ce rêve. Il a dit quand j'ai appris ce hadith, alhamdoulillah, mon cœur a été apaisé, je n'avais plus peur. Car des fois, on fait de ces rêves qui font vraiment peur. Et des fois, la personne, surtout si elle ne connaît pas ce hadith, elle va avoir peut-être la aqida ébranlée. Et elle va rester peut-être une semaine ou après le rêve malade, toute jaune, en attendant chaque jour que peut-être cette chose va arriver. Et il est possible que ça lui arrive. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas effacé. Elle ne l'a pas effacé. Et le rêve est toujours là, derrière elle, en train de la menacer. Alhamdoulilah qui nous a appris l'islam. Alhamdoulilah qui nous a appris comment nous préserver du shaitan, le maudit, dans cette vie et dans l'au-delà. Tfadhal, inshallah ta'ala, suivant. Naam, salam alaykoum, c'est Saoudia sur le Paltalk. Salam alaykoum. Est-ce que vous avez cité qu'Allah a vu à l'intérieur des cœurs des gens que le plus pur était celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a confié la prophétie? Si c'est le cas, est-ce que tous les prophètes ne sont pas nés prophètes mais ont été choisis? Qu'en est-il de Isa alayhi salam? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Naam, j'ai bien dit cela. Et alhamdoulillah, la sœur a bien choisi le mot, il lui a confié la mission. Ça, moi je cherchais ce mot, confié. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a vu dans les cœurs et il n'a vu que ce qu'il savait. Ça ne veut pas dire comme nous, on va voir dans la pièce qu'est-ce qu'il y a. On trouve dans la pièce, il y a une armoire, il y a un micro. Ça veut dire qu'on ne savait pas, on a vu, on a su. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et il a vu, et il a trouvé que le cœur du messager d'Allah était le plus pur. Il lui a confié cette quoi? Cette mission. Naam, les messagers, naam, ne naissent pas messagers. Mais c'est la plupart du temps, quand ils atteignent un certain âge, qu'il leur confie la mission. La plupart des savants disent l'âge de 40 ans. Comme dit Allah Ta'ala dans le Coran. Pourquoi? Car à 40 ans, ils sont quoi? Ils sont vraiment mûrs. Avant 40 ans, on est toujours assez jeune. On fait certaines fautes et on se précipite sur des choses, etc. À 40 ans, on est mûr. On ne parle qu'avec Yanni après avoir bien réfléchi, etc. Il se peut que Allah Ta'ala donne la prophétie à quelqu'un avant 40 ans, comme Isa alayhi salam. Comme Isa, alayhi salam. Vous savez, il a parlé avant, il a parlé dans le, comment on appelle ça, dans le lit, si je puis dire. Non. Tout bébé, il a parlé. Mais ça ne veut pas dire que quand il a parlé, il était prophète. Non. Beaucoup se trompent. Et ça ne veut pas dire que quand il a parlé, ça veut dire qu'il est resté tout le temps en train de parler. Dans le berceau, barakallahu fik. Ça ne veut pas dire qu'il a parlé à un mois, à un an, à 2 ans, à 10 ans. Non. Il a parlé, ensuite il s'est tu. Il n'a plus parlé. Ensuite, quand il a grandi, à un certain âge, Allah Ta'ala lui a donné la prophétie. Donc la prophétie, ne vient pas par la naissance, mais elle vient après un certain âge, chez la plupart des messagers, après 40 ans. Wallahu azza wa jal a'lam. Fadlan, inshallah, le prochain. C'est toujours sur le Paltalk. C'est la question de Manel. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que c'est autorisé de refuser l'invitation d'une personne qui ne prie pas, même si c'est de la famille? Une invitation entre frères et beaux-frères et une invitation dans le cadre de la famille. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Non. D'après mon avis, je donne seulement mon avis, inshallah ta'ala. Je donne seulement mon avis. D'après mon avis, il vaut mieux, non, ne pas refuser. Parce que pourquoi? Parce que celui qui ne prie pas, ou bien il est kafir, ou bien il est musulman. Si on prend de l'avis qui dit il est musulman, comme dit Cheikh Al-Albani, les quatre grands imams, les quatre grands imams. Si on dit il est musulman, donc un musulman, on ne va pas lui refuser son invitation, sauf si on a des excuses. Et maintenant, si on prend d'autres avis qui dit qu'il est kafir, non, moi le kafir, s'il m'invite, je vais chez lui. Pourquoi? Parce que c'est une occasion ou jamais de lui parler de l'islam. Le kafir m'a invité, et qui est mieux que moi? le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invitait lui-même des kuffars. Il les invitait à la maison, il leur faisait des da'wah. Lisez, lisez la sira de Ibn. Comment il s'appelle rappelez-moi la sira la plus connue. C'est de qui Ishaq, la sira de Ibn Ishaq. Naam, de Ibn Ishaq. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les kuffars l'invitaient, il allait manger. Comme c'est dans Sahih al-Bukhari, où un juif l'a invité à manger un peu de chair, chair c'est-à-dire l'orge, et un peu de, comment ça s'appelle, un peu de, comment on dit chahm en arabe, un peu de graisse, naam, avec du pain, de l'orge. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, a été empoisonné par une juive, Zainab bint al-Harith, qui lui a mis le poison dans quoi? On le mangeait dans un mouton, l'épaule du mouton. Donc lui-même, il allait aussi chez les kuffars quand il les invitait. Le kafir, il faut bien faire la différence entre le kafir qui te fait la guerre et le kafir qui ne te fait pas la guerre. Celui qui te fait la guerre, tu le combats. Et celui qui ne te fait pas la guerre, tu lui fais la da'wa. Tu lui fais la da'wa. Naam. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl le suivant. Alors je profite ici de dire une chose qui va aussi dans ce sens, qui est importante. Maintenant, si cette personne qui ne fait pas la salat et je refuse son invitation, aussi à cause de la da'wa, parce que je veux en quelque sorte l'isoler, et je sais que si je ne vais pas, et qu'il va savoir que beaucoup aussi ne vont pas y aller à cause qu'il ne fait pas la salat, et que ça peut le pousser à ce qu'il fasse la salat, ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est bien. S'il est, c'est quelqu'un, on lui porte toujours la salat et il veut pas. Non. Et qu'on va pas chez lui, on lui refuse l'invitation à cause de, peut-être que ça va le pousser à faire la salat, ça aussi c'est bien. C'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, de méditer, de calculer, yani, quelle est la chose la meilleure pour cette personne. Non. Fadl, Inch'Allah, suivant. Abou Marwan, je suis en train de parler. Taïb, qu'est-ce qu'il a dit ici? Les photos, les posters. Ah, naam, les photos, les posters, etc. Naam. Ces photos et ces posters qui se trouvent dans quelques maisons, naam, si c'est nous qui les avons collés, naam, vous savez que c'est interdit et que ça empêche aussi les anges de rentrer et qu'on a des péchés en les collant au mur. Maintenant, si c'est d'autres personnes qui les ont collés, comme par exemple notre père, et que par exemple on n'a pas d'influence sur notre père, et qu'il nous menace si on les enlève, il nous expulse, etc., on les laisse, et la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et c'est lui qui aura des péchés. Et c'est lui qui aura des péchés, tout en essayant, j'essaye au maximum de ne pas faire la prière dans la chambre où il y a les photos. Quitte à faire la prière dans la cuisine, par exemple. L'essentiel, je ne la fais pas où il y a les photos. Mais s'il n'y a pas, toutes les chambres ont des photos. Comment je vais faire? Je ne vais pas faire la prière. Je la fais dans le couloir. Si dans le couloir de la maison aussi, il y a des photos, et là, je la fais dans la pièce où il y a la photo, et à condition qu'elle ne soit pas en face de moi, je l'évite, je me mets à sa droite, à sa gauche, et celui qui l'a collé au mur, c'est lui qui aura des péchés demain. Naam. Soit dans le suivant. C'est la question de Adam 95-82. Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien. Il nous arrive de faire salat en jama'a chez une sœur et elle ordonne à celle qui a mémorisé le plus du Coran de diriger la salat. Y a-t-il un dalil dessus? La sœur qui dirige doit-elle se retourner après sa salat et se mettre face aux sœurs? Barakallahu fikum, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, la sunna c'est la femme guide les femmes, exactement comme l'homme guide les hommes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Il a dit que la femme yani est comme l'homme parce que elle a été, si je puis dire, tirée de lui, car Allah Ta'ala a créé Adam et de Adam quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré extirpé, si je puis dire, Hawa. Il a fait, il a créé de son aisselle. Donc, le messager d'Allah a dit que la femme est comme l'homme dans toutes les adorations. Sauf s'il y a un délil. Il y a un délil qui montre que cette chose est propre aux hommes. Alors, les femmes ne doivent pas la faire. Non? Comme par exemple le djihad. Ce n'est pas obligé pour elles. Ou bien cette chose est propre pour la femme. C'est-à-dire que les hommes ne doivent pas la faire. Non, il y a des choses propres à l'homme, des choses propres à la femme. Sinon, ils sont égaux dans toutes les adorations. De là, non, il est, et de là, il y a aussi des hadiths où il y en a beaucoup de compagnons, il y en a guidé la prière, guidé les femmes. Non, de là, ils ont dit que la femme guide aussi les femmes, et à condition qu'elles se mettent au milieu, non, et quand elles terminent la salat, ce n'est pas la peine qu'elles se mettent en face, car elle n'est pas devant elle. Elle est au milieu d'elle. Elle se met en face. Si c'était comme un homme qui est debout, il ne va pas leur donner leur dos. Il va se retourner, car c'est impoli qu'il leur donne leur dos. Il se met en face d'eux. Et encore, de la sunna, il ne reste pas là-bas. La sunna, il se lève, il dit « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. » Et il se lève et il se met avec eux. Non. Donc la vraie sunna, c'est de se mettre en face juste pour qu'ils le voient. Ensuite, ils rentrent avec eux et ne restent pas comme ça. Pourquoi ? Pour qu'en islam, pour que l'islam nous apprend à être modeste. Car celui qui fait la prière, s'il reste loin d'eux, c'est comme Yanni, il veut montrer que c'est lui qui les a guidés. Yanni, chaque personne qui rentre va le connaître, elle va dire c'est lui qui a guidé les gens, etc. Mais la modestie, Yanni, c'est de Yanni, de paraître qu'on est tous égaux. Dès que je termine la prière, je dis Astaghfirullah trois fois, et je m'assois au milieu des gens. Composer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fadlan, inshallah, le suivant. Si c'est inspique, dites-le moi. La propriétaire de la maison doit-elle diriger chez elle ou elle laisse faire la personne dirigée? Celui qui est chez lui, la question dit, est-ce que la personne, est-ce que la propriétaire de la maison, c'est elle qui doit diriger chez elle, ou bien elle laisse la personne, ou elle laisse une autre personne diriger, si l'autre personne connaît mieux le Coran ou plus. Réponse, c'est au choix de la du propriétaire de la maison, c'est-à-dire la sœur qui a invité les autres sœurs, c'est elle qui choisit, non. Ou bien c'est elle qui guide, et elle est prioritaire sur cela si elle veut guider. Maintenant, si elle veut faire passer une autre, hein, elle est libre. L'essentiel, c'est quoi? C'est que si elle veut guider, c'est à elle que revient le premier droit. Si elle veut pas, elle veut une autre, par exemple, qui connaît mieux le Coran, je pense que hein, ce serait yani, mieux. Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ce n'est pas obligatoirement celle qui connaît le plus le Coran, ce n'est pas elle obligatoirement quand ce n'est pas par exemple, dans une mosquée ou là. Quand on est dans une maison, c'est le propriétaire qui devient celui qui a le plus de droits. Non. Quand on est dans une maison, le propriétaire de la maison, c'est lui qui a le plus de droits, comme je viens de le dire. Fiki Barak, la suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. La personne suivante, c'est Mohamed. Cheikh, Inch'Allah, à la fin, Inch'Allah, je vous demanderai quelque chose. Donc, Mohamed 7, salam alaikum, Cheikh. Quel comportement doit avoir une femme divorcée avec son mari pendant la période de Idda? Qu'a-t-elle le droit de faire et de ne pas faire? Son mari ne voulant pas rester chez lui, mais chez sa mère, et lui disant que pour lui, elle n'est plus sa femme. Barakallahu fikum. Je voudrais d'abord demander... Ce mari qui a divorcé cette femme, c'est yani, quel divorce? Le premier, le deuxième ou le troisième? J'attends la réponse. Ou alors je réponds directement en disant. Non. Si c'est le premier divorce ou bien le deuxième divorce, non, il n'a pas le droit de ne pas rester avec elle pendant la période d'viduité. Il n'a pas le droit d'aller chez ses parents ou bien d'aller à l'hôtel ou d'aller où il veut. ce n'est pas lui qui commande, c'est Allah Ta'ala qui commande s'il est musulman. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, La'ala Allah yuhditu amran, la tadri, il a dit, tu ne sais pas, la tadri, on ne sait pas, La'ala Allah yuhditu amran, vous ne savez pas, on ne sait pas, peut-être Allah Ta'ala va yani, faire quelque chose, va, yani, comment on dit ça en français, va yani, faire surgir quelque chose. C'est quoi cette chose qui peut faire surgir? C'est de jeter l'amour dans les cœurs. C'est pour ça que pendant la période viduité, la première période viduité, c'est-à-dire après le premier divorce, ou bien le deuxième divorce, la femme divorcée, non seulement tout lui est permis devant son mari, c'est-à-dire de se dévoiler, etc., mais mieux encore, il lui est recommandé d'être la plus belle, d'être la plus bien habillée, d'être la plus parfumée, comme ça. Pourquoi ? Le but, c'est d'attirer le mari. C'est pourquoi il lui est interdit qu'il soit loin d'elle. Sinon, à quoi ça sert qu'elle s'habille, qu'elle se parfume alors qu'il est chez ses parents ? Allah Ta'ala dit, il faut qu'ils soient ensemble. On ne sait jamais, en la voyant comme ça, il revient vers elle. Et elle, qui l'a détestée et veut se séparer de lui, quand elle va passer la période de viduité avec lui, c'est interdit qu'elle aille chez ses parents. Quand elle reste avec lui, on ne sait jamais ce que Allah peut faire surgir. Elle peut le voir et dans un état ou une situation ou un habit, ou je ne sais pas comment, et il lui plaira. Il lui plaira et elle sentira de l'amour envers lui et elle reviendra vers lui. C'est pour ça que Allah Ta'ala a interdit pendant la période de viduité de se séparer. Et beaucoup de femmes ne savent pas, ils croient que, pendant la période de viduité, puisqu'il a divorcé, donc, certaines ne vont pas dormir avec leur mari, certaines ne parlent pas avec leur mari, certaines ne font pas la cuisine à leur mari. Tu dis pourquoi? Il te dit parce qu'on est divorcé. Et bien sûr, c'est la pure ignorance. Naam, tfadla, inshallah, le suivant. Salam alaikum, Sheikh, barakallahu fikum. Le suivant, c'est InSpeak, Inch'Allah. C'est sur le InSpeak, Inch'Allah. Et Mariam 831 et Soleiman, barakallahu fiki, de préparer vos questions, Inch'Allah, et de me les envoyer en privé. InSpeak, c'est à la sœur Saliha qui, Masha'Allah, vient de se réveiller. Alors, la sœur Saliha a dit, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dis, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Je voudrais savoir ce qu'il en est par rapport à une personne qui a des visions en état d'éveil. Ces visions sont répugnantes et sortent de l'ordinaire. Barakallahu fikum. En état d'éveil, qui a des visions en état d'éveil. Yani, c'est un peu difficile à comprendre, mais je réponds d'après ce que j'ai compris. Si c'est comme par exemple une personne qui a par exemple des pensées qui viennent, il y en a des pensées qui sont répugnantes et horrifiantes, etc. Il en est de même, d'abord je continue, si on a des pensées comme ça, l'essentiel c'est de dire Audhu Billahi Minash Shaitani Rajim et d'essayer de les effacer, de les repousser, de ne pas yani se sentir bien quand on a ces choses-là. La même chose pour les visions. Si on voit des choses qui sont pas bien, des choses où on voit des choses, des personnes nues, etc., en train de faire des choses, etc., on doit pousser au Blam Shtar Rajim, et on essaie de pousser, on essaie de les rétrécir, et comme ça, on fait le djihad. Tant que tu fais cela, chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu es pardonné. Pourquoi? Ce sont des choses qui te viennent malgré toi. Ce sont des choses qui, on voudrait pas d'elles, mais elles viennent. Ce sont des choses qui font peur, d'accord. Même si ce sont des choses qui font peur, ce sont des visions de choses qui font peur, si vraiment on a beaucoup ces choses-là, c'est qu'il faut faire ruqya. Moi, je croyais que vous voyez des choses qui sont indécentes, etc. Maintenant, si ce sont des choses qui font beaucoup peur en état d'éveil, dans ce cas, je conseille à la personne qu'elle fasse ruqya. Comme les personnes qui, une fois, j'étais avec lui, il a commencé à crier, je dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, où est-ce bon? Il dit, je vois quelqu'un avec des dents, des dents comme ça, crochues, etc., qui veut me mordre, etc. Lui dit, tu fais ruqya. Bien sûr, celui-là avait un djinn. Donc, si on éveille, on voit beaucoup de choses comme ça qui font peur, etc. Il vaut mieux, bi'idhnillah ta'ala, faire ruqya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse et guérisse nos enfants, nos femmes et toutes nos familles, bi'idhnillah. Faites le suivant. En attendant, Inch'Allah, Abdul Nasser. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'aimerais savoir si tous les prophètes précédents étaient envoyés à toute l'humanité ou seulement à un peuple précis. Est-ce que la venue de l'un abrogeait la prophétie de l'autre, du précédent, comme c'est le cas avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. La réponse, Inch'Allah ta'ala, c'est que tous les messagers qu'Allah ta'ala a envoyés hein, étaient envoyés seulement à leur tribu, à leur peuple et à leur nation. C'est pour ça que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a l'une des particularités, il a beaucoup de particularités, le khasa'is. L'une de ses particularités, c'est qu'il a été envoyé à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le messager d'Allah a dit que Allah Ta'ala m'a donné 5 choses. Dans un autre hadith, il a dit 6. Même si vous vous rappelez, entre autres, je les cite yani en désordre. Où il a dit que yani, toute la terre, c'est pour lui un lieu de salat. Et toute la terre, il peut faire les ablutions avec. Alors qu'autrefois, on faisait la prière seulement dans les endroits spéciaux. Et seulement avec de l'eau. On ne peut pas faire avec le taïmoum comme ça partout. Entre autres, il a cité que Allah Ta'ala l'a fait triompher avec la peur qu'il envoie dans les cœurs des gens un mois avant qu'il arrive à la bataille. Et il a cité aussi que il a la shafa, il a la grande âme, et que. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Non, mais entre autres, celle-là, il a dit que le messager était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à sa propre tribu, à sa propre nation, alors que moi, j'ai été envoyé à l'alamin, yani à tout le monde, non seulement aux hommes aussi, mais à tel des animaux, à tel tout le monde. On m'a dit, Allah Ta'ala, Omar Sallaka, il l'a rahmatin lil alamin. Donc, elle dit, c'est pour la première question. Et pour la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala, c'est que. Il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala envoie, il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala envoie deux messagers en même temps. Deux messagers en même temps. Et ce n'est pas obligé que le messager, ce n'est pas obligé que le messager abroge celui qui vient, c'est-à-dire celui qui vient abroge celui qui a été avant lui. Mais il se peut qu'il continue la même chose. De là, les savants ont fait la différence entre le prophète et le messager. On dit le prophète. C'est celui qui vient après un messager et que il n'a rien de nouveau, il rapporte rien de nouveau, mais il suit le messager qui était avec lui. Et le messager, c'est quelqu'un qui vient avec quelque chose de nouveau, donc de nouveau, donc qui abroge ce qui était avant lui. Mais notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a certainement, n'am, et sans aucun doute, abrogé, n'am, toute. Yani toute chose, toute législation qui est venue avant lui. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadda le suivant. Donc le suivant, salam alaykoum, le suivant c'est Soulayman. Salam alaykoum Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Amin. Vous avez dit durant le cours que Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, avait un sixième sens et pouvait faire de la télépathie. Allahu Akbar. De nos jours, une personne peut-elle avoir un tel don? Jazakallahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas une nation qui vienne où il n'y a pas des gens qui ont ce sixième sens comme celui de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et il a dit s'il y a quelqu'un qui dans cette nation aura cette chose, c'est bien Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Je pense que beaucoup de gens peuvent avoir cette chose, Nam, pas spécialement Omar radiallahu ta'ala anhu, mais pas au point, yani à un point égal comme celle de Omar. C'est-à-dire, au point de, par exemple, je crie maintenant, vous là-bas, vous êtes en France, vous allez m'entendre. Je ne pense pas que quelqu'un, par exemple, puisse arriver à cela, vu, yani, ce qu'il y a dans nos cœurs, comme saleté, comme souillure, comme mauvaise pensée, comme shaitan, comme. Naam. Alors que Omar Bukhtab, c'est sûr que son cœur était l'un des plus purs. Naam. Mais, ce qu'on peut avoir par contre, c'est par exemple, penser à une chose et elle arrive comme on en avait pensé. Naam. Penser à une chose et, subhanallah al-adhim, on voit que, yani, elle arrive comme on y a pensé, et ça, ça existe chez beaucoup de gens, bidna ta'ala. Et moi, alhamdoulilah, je connais quelqu'un que vous tous vous connaissez, qui est un frère, yani, comment on dit ça, frère intime, hein, qui, inshallah ta'ala, s'appelle le Cheikh Abdel Malik Ramadani, hafidhahullah, que j'ai connu, yani, depuis ça fait très longtemps, subhanallah al-azim. Il ne me donnait pas une nasiha sans qu'elle ne venait exactement comme qu'il le disait. Naam, subhanallah al-azim. Il est connu, bidna, hasabu kadalika wala zika Allah ahadin. Quand il dit, subhanallah ta'ala, que telle chose, attention d'elle, ça risque ceci, cela, ça venait exactement comme il disait, subhanallah al-azim. Comme j'ai dit, ça a beaucoup rapport avec la pureté des cœurs, avec la piété, etc. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam. Tfadlal le suivant, je crois que c'est l'inspic. Si oui, dites-le moi. Abu Luqman 3. Il a dit, Assalamu alaikum, cher Hayyakumullah. Pouvez-vous me conseiller comment garder la constance dans l'apprentissage de la religion? Barakallahu fikum, Assalamu alaikum. Vous ne faites pas de cours d'arabe, cher. Naam. Wa alaikum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Pour l'instant, inshallah ta'ala, je ne fais pas de cours d'arabe. Mais inshallah ta'ala, viendra, inshallah, le moment où je vous ferai bidna subhanahu wa ta'ala si Allah Azza wa Jalla le veut. Naam. En ce qui concerne comment garder la constance dans l'apprentissage de la religion, c'est d'aller bidna ta'ala doucement et sûrement. Naam. Certains veulent, yani, pendant la semaine, ils assistent à 7 cours. Il va dire, moi, pendant 7 jours, je vais pas m'arrêter d'apprendre. Naam. 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ensuite il dit, Wallah, c'est fatigant, hein. Faut quand même penser à soi-même, penser aux enfants, penser au travail, penser au mari, penser à la voiture, penser à ceci, il jette tout. Naam. Mais je conseille, naam, même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud dans Sahih Bukhari, il a dit, il ne nous faisait pas toujours, mais il cherchait les moments opportuns pour nous faire des dorous. Il a dit, moi, la même chose, je veux pas faire comme ça des dolos tout le temps, car les gens vont quoi? Vont y aller vite, comment on dit ça en français, ils vont vite, il y a un verbe, comment on dit quand on fait beaucoup la chose? C'est pas la détester. Ils vont y aller, ils mêlent. Classe, il va plus avoir envie de cette chose. La même chose ici pour les cours. Hein? Fais par exemple 3 fois par semaine. Un jour oui, un jour non. Se lasser, barakallahu fik, ils vont vite se lasser. Non, tu vas dire c'est trop. Je peux pas la rester trop. Je peux pas tout apprendre. Il va toujours jeter. Vas-y doucement. Fais 2 fois par semaine. Fais maximum 3 fois par semaine. Naam. Si ce sont des choses dont on a beaucoup besoin, comme par exemple l'arabe, naam, l'arabe ça ne fait rien. Si par exemple quelqu'un toujours il apprend l'arabe, ça ne fait rien. Mais des cours dans le din, etc. Vas-y doucement, doucement. Pourquoi? Pour que tu puisses tenir le cap. Car peut-être le chemin est long, il te reste 30 ou 40 ans à apprendre. Naam. Donc fais un programme et vas-y, Inch'Allah ta'ala, doucement, doucement, jusqu'à ce que tu arrives. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de ne lire, bien sûr, que ni quand il y a des gens de science qui te guident. Ce n'est pas toi qui vas choisir tes livres. Ce n'est pas toi qui vas dire, je vais lire tel livre, alors que ce sont des livres déconseillés, alors que ce sont des livres pleins d'innovations, alors que ce sont des livres de khawarij, etc. Mais ce sont les gens de science, Allah Ta'ala, qui te guident. S'il n'y a pas des gens de science avec toi, alors du moins des talibat ilm, des frères et des sœurs qui sont vraiment anciens, qui sont dans le minhaj. À chaque fois que tu veux lire un livre, là, tu comprends pas une chose, tu reviens vers eux. Bi-idhnillah ta'ala. Tfaddal inshallah ta'ala fil wasmo. Parle toi, tfaddal. C'est la question à Abou Abderrahman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Durant le prêche du vendredi, si on arrive alors que l'imam a commencé son dars, sa khutbah, pardon, doit-on prier les deux rakats ou bien faire quatre? Certains disent qu'une fois le prêche commencé, on ne doit rien faire du tout. Et également, quand on arrive en retard à une prière, par exemple, on a raté les deux premières rakat. Doit-on faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le teshahoud, sachant que c'est seulement la première rakat pour nous? C'est à vous, cheikh. Quand quelqu'un arrive le vendredi à la mosquée, je l'ai dit la fois passée, c'était juste le dars passé, qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir si l'imam se trouve sur le minbar. Mais il doit faire deux rak'at à condition de les faire vite. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, il a dit, si quelqu'un de vous arrive le vendredi et trouve le imam sur le minbar, qu'il fasse deux rak'at. Qu'il ne s'asseye pas, qu'il fasse deux rak'at, mais qu'il les fasse vite, yani courtes. Donc personne n'a le droit de s'asseoir le vendredi s'il rentre à la mosquée et trouve le imam sur le minbar. S'il ne veut pas faire la salat, alors qu'il reste debout jusqu'à ce que la salat commence. Mais qu'il s'asseye alors que l'imam est sur le minbar, il a fait un péché. Car le messager d'Allah a interdit cela et a même vu quelqu'un s'asseoir, et il lui a dit, pourquoi tu t'es assis? Et il lui a dit, lève-toi et fais la salat. Et il a même interrompu la prédication et le prêche à cause de lui. Pour lui dire, pourquoi tu t'es assis? Il faut te lever, faire les deux rak'at, mais il fait les vite. Il dit, wahda. Deuxièmement, quand quelqu'un rentre et il trouve un imam, par exemple, dans salat ad-dhohr, il le trouve qu'il, par exemple, il a fait déjà deux rak'at, ou bien il a fait une rak'a, il doit rentrer avec lui dans la deuxième rak'a. Et il s'assoit, il fait le teshahoud, bien sûr, il est obligé de suivre le imam. Tu fais exactement ce que fait l'imam. Quitte à ce que tu fasses trois fois le teshahoud. C'est comme si tu arrives dans Salat al-Maghrib. Tu arrives, tu trouves le imam dans la deuxième rakat, assis en train de faire le teshahoud. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis Allahu Akbar debout, et tu dis Allahu Akbar pour t'asseoir, et tu t'assois et tu fais le teshahoud. Donc voilà, tu as fait un premier teshahoud. Ensuite, tu te lèves. Tu fais avec lui la dernière raka. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit salam alaykoum, il s'assoit, il fait le teshahoud. Tu t'assois encore avec lui, tu fais le teshahoud. Il dit salam alaykoum et tu te lèves. Tu es dans la deuxième raka pour toi. Tu vas t'asseoir et tu vas faire encore le teshahoud. Ce sera le troisième teshahoud pour toi. Et tu te lèves pour faire la troisième raka, tu vas faire encore le teshahoud. Ce sera le quatrième teshahoud pour toi. Alors que dans le Maghreb, il n'y a que deux teshahoud. Pourquoi tu as fait tout ça? À cause du hadith qui dit Innama ju'ila l'imamu li'utamma bih. Le hadith qui dit le imam, il est là pour qu'on le suive. Tout ce qu'il fait, tu fais. Quitte à ce que tu fasses des teshahoud où il ne faut pas faire. Et quitte à, tu te lèves où il faut s'asseoir. Tu t'assis où il faut se lever. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Tfadal suivant. Donc la question de Salama, c'est Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khairan, Cheikh, pour le temps que vous nous accordez et pour ces cours très profitables, walhamdulillah. Dans un de vos cours sur la personnalité de la femme musulmane, vous avez expliqué que les péchés se divisaient en deux catégories. Faire quelque chose de haram, comme l'a fait Adam alayhi salam, et ne pas faire quelque chose d'obligatoire, comme l'a fait Iblis. Et vous avez dit que le plus grave est de ne pas faire quelque chose d'obligatoire, comme l'a fait Iblis. Mais j'ai une ambiguïté en ce qui concerne le plus grand des péchés qui est le shirk. C'est-à-dire faire quelque chose de haram, à savoir associer quelqu'un ou quelque chose à Allah Azzawajal. Je ne comprends donc pas que le plus grave des péchés ne fasse pas partie de la catégorie la plus grave. C'est sûrement que j'ai une mauvaise compréhension de ma part et je souhaiterais donc que vous m'éclairez bi-inni-Llah. Barakallahu fikoum. Qu'Allah Ta'ala nous guide et nous raffermisse dans la religion. Amin. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Comment s'appelle la question, pardon, la personne qui a posé la question? C'est qui? C'est Oum Salama? Oum Salama, naam. Barakallahu fik pour la question, elle était très importante. En fait, j'ai dit, je redis, le plus grave dans les péchés, c'est quoi? C'est de ne pas faire ce que Allah Ta'ala a dit. Ensuite, en deuxième position, c'est de faire ce qu'il n'a pas dit. Quant à ce qu'elle vient de citer la sœur et dire que c'est une ambiguïté ou quelque chose comme ça, je dis, en fait, le shirk, l'âme, c'est le plus grave péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il a fait ce que Allah Ta'ala n'a pas, a dit de ne pas faire, mais c'est parce qu'il n'a pas fait ce que Allah Ta'ala a dit de faire. Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit de faire? Allah Ta'ala a dit de l'unifier. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Abdullah ibn Mas'ud a dit, c'est-à-dire إِلَّا لِيُوحِدُونَ. Allah Ta'ala nous a ordonné Tawhid. Et celui-là n'a pas fait le Tawhid. Donc, il a délaissé quoi? La chose la plus importante qu'il fallait faire, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et non pas il a fait la chose la plus mauvaise. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, inshallah ta'ala, car Allah Ta'ala nous a ordonné de lui faire le tawhid. Et celui-là ne l'a pas fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il nous a créé que pour faire le tawhid. Ah, voilà, Salama, tu vois, inshallah, alhamdulillah. Inshallah ta'ala, que cette réponse, inshallah ta'ala, va illuminer ton cœur, bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Wa fikum, inshallah ta'ala. Atfadla le prochain, inshallah, atfadla. Que Allah subhanahu wa ta'ala aime toutes les personnes qui m'ont aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu la question de Tawhidullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-il obligatoire de brûler les photos qu'on a fait quand on était ignorant de la religion pour s'en débarrasser, barakallahu fikoum, pour tous vos efforts? Pour dire la vérité, naam, celui qui brûle ses photos, c'est le meilleur d'entre nous, bi-idhna azza wa jal. Naam. Celui qui ne les brûle pas, ça veut dire que il est un peu réticent, il est un peu hésitant, il est comme ça. Mais celui qui les brûle, naam, parce qu'il est convaincu que c'est haram, celui-là, c'est le meilleur d'entre nous, bi-idhna ta'ala. Car, comme vous savez, il y a des catégories. Il y a des catégories dans le fait d'appliquer l'islam et dans le fait de faire vite ce que Allah Ta'ala nous a ordonné de faire. Il y a des gens qui facilement peuvent brûler ses photos, facilement peuvent casser la guitare, facilement peuvent jeter la télévision. Quand il la jette, il la jette pas du balcon pour la faire tomber sur les gens en bas, non. Il la démonte par pièce et il jette les pièces, c'est comme ça. Hein? Et il y a d'autres qui vont doucement, il y a d'autres qui restent des années, il y a d'autres qui ne peuvent pas du tout. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla inshallah le prochain. Musulman 83, j'ai votre question, Inch'Allah. Alors, salam alaykoum, Cheikh. Une sœur mariée depuis 2 mois, son mari ne veut pas vivre avec elle dans la même maison. Il vit chez ses amis et ne veut pas annoncer le mariage à sa famille. Il vient juste chez elle dormir le soir. Chez elle, que doit-elle faire? Que doit-elle faire? Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, des choses pareilles, moi, ça me fait mal au cœur. Des choses pareilles, ça me fait mal au cœur. Non. Ce sont le genre, Wallahu ta'ala alam, d'hommes, non, qui prennent des femmes pour jouer. C'est-à-dire, il veut assouvir ses passions, il se marie, mais il n'y a pas un mariage officiel. Juste pour pouvoir dormir la nuit et faire ce que fait l'homme avec la femme, et il jette ses ordures là-bas, et il n'est ensuite, quand il n'a plus envie d'elle, c'est-à-dire ça devient une poupée avec laquelle il joue, et il part chez ses amis. Non, ce n'est pas comme ça le mariage. Je suis très, très, très déçu que beaucoup de frères en France jouent avec les femmes comme on joue avec la toupie. Je suis très, très déçu d'après ce que me racontent les femmes et des sœurs au téléphone, et d'après ce que je reçois comme courrier, il y a des choses, des choses, des choses Yani en France, c'est vraiment, yani le mariage, c'est vraiment, yani dans, astaghfirullah, dans 80% des cas, c'est un jeu. Quand je dis cela, de la part des frères, pas de la part des sœurs. Non, je ne connais pas peut-être, yani la sœur qui a un mari, qui sont mariés depuis 1 an ou 2 ans en France, c'est vraiment, yani, masha'Allah. Toutes les années, elle devrait faire une fête. Toutes les années, celles qui sont mariées en France pendant plus d'une année doivent faire une fête chaque année pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala que ça a tenu. Tellement, yani, ça joue, tellement c'est... La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Elle a le droit de demander le divorce. Naam. Elle a le droit de lui dire, écoute mon frère, ce n'est pas comme ça le mariage. Le mariage, on est la moitié l'un de l'autre. La moitié l'un pour l'autre. Du matin au soir, on est ensemble. Naam. Quand tu vas à ton travail, naam. Quand tu vas en mission, naam. Quand tu vas inviter de temps en temps chez des gens, naam. Mais pour que tu passes la nuit dehors chez des amis et tu es marié avec la femme, donc dans ce cas, va te marier avec tes amis. Naam. Va, si la polygamie est permise, va te marier avec 5 ou 6 de tes amis là-bas. Naam. Voilà le vrai mariage. La hawla wa la quwwata illa billah. On passe, sallallahu ta'ala, au suivant. Salam alaikum. Je voulais, est-ce que je peux rajouter une remarque sur ce qui vient d'être dit à propos du mariage et des frères qui jouent? Parce que moi, je connais un frère, il est, écoutez bien, je connais un frère, il est très sérieux, il a un très bon comportement, il fait beaucoup d'efforts pour la religion, il apprend son dîn, il a beaucoup de livres, il donne des cours, il a un bon comportement, c'est quelqu'un qui est connu dans le bien. Et ce frère, je ne l'ai pas vu pendant une année. Pendant une année, on ne s'est pas vu. Et pendant cette année où on ne s'est pas vu, ce frère-là, il a fréquenté d'autres frères. Mais ces frères-là, ils ont un mauvais comportement. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance à la religion. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'au lieu que son bien à lui, il a déteint sur le bien, le mal de ses frères-là, au lieu que les frères qui faisaient pas beaucoup d'efforts pour le dîn, ils sont devenus comme lui parce qu'ils sont restés avec quelqu'un de bien, eh ben il s'est passé le contraire. C'est que le frère que je connais qui est quelqu'un de bien connu dans le bien, il est resté avec des frères mauvais, eh ben ces frères-là, ils l'ont sali. Et la dernière fois quand je l'ai vu et j'ai parlé avec lui, wallah que j'étais triste et wallah qu'il m'a fait mal au cœur. Parce que comment il parlait, j'étais choqué, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, Ahi Abou Marwan, moi j'en peux plus là, vas-y, trouve-moi une deuxième, trouve-moi une troisième. Parce que là, je suis sur un plan avec une sœur, mais elle a 50 ans. Allah al-Musta'an, un plan avec une sœur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Sachir, quand les jeunes ils parlent comme ça? Ça, c'est quand on était au collège, on était au lycée. On n'était pas dans la religion, on ne connaissait pas l'islam. Les jeunes, ils regardent les filles, ma copine et tous les trucs comme ça. Eh ben, wallah, qu'une fois vous avez dit dans un cours, que l'oncle du prophète sallam avant de mourir, il a refusé d'accepter l'islam parce qu'il avait eu des mauvaises fréquentations. Et je me souviens dans votre cours, vous avez dit, s'il avait fréquenté Abu Bakr, il avait fréquenté Uthman, quand le prophète sallam il lui a dit accepte l'islam, et ben puisqu'il a eu des bonnes fréquentations, il aurait eu accepté l'islam. Et vous avez dit, puisqu'il a fréquenté des gens de la mécréance, des gens du kufr, des gens du mal, et ben il n'a pas accepté l'islam. Et ben wallah que quand j'ai vu ce frère-là, ça m'a fait mal au cœur. Et wallah que j'ai mal au cœur parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dans le bien, que wallah il m'a fait des nasiha et que son comportement c'était juste son comportement c'était nasiha pour moi et il est resté pendant une année avec des gens pas bien et wallah que je ne l'ai pas reconnu et que leur mal il a déteint sur lui et que wallah que je suis triste, wallah c'est triste. Et une autre fois encore dans l'un de vos cours dans les questions-réponses, vous avez dit encore quelque chose, vous avez dit wallah moi je sais pas vous les frères en France, les sœurs en France, comment ça se passe les mariages chez vous parce que chez nous en Algérie c'est pas comme ça les mariages, on les prépare à l'avance pendant une année, on prépare la dot pour la femme, on prépare un repas, il y a une ambiance de fête. Vous vous souvenez, cher, vous avez dit ça. Vous avez dit, mais chez vous en France, moi je comprends pas, c'est bizarre. Et le frère il vient, il la demande, le lendemain elle est mariée, il y a eu un petit repas, c'est terminé, elle s'en va comme si c'est pas d'importance. Wallah, que tout ce que vous dites là, cher, c'est des choses que je vois de mes yeux chaque jour. Et wallah, que wallah el adim, que ça m'attriste d'une tristesse terrible, terrible. Frère, inchallah, je vais vous suivre l'autre. L'autre question qui était la question de Ibn al-Utaymin. Salam alaykoum, cheikh. Le micro, d'accord, le micro. Continuer à aller dans ce sens, parce que j'allais aussi dire autre chose. Et d'ailleurs, j'allais dire aussi la même chose que ce qu'a dit le frère Abou Marwan, justement, ce que j'allais dire. Par exemple, pour ne pas aller loin, regardez, par exemple, seulement ça fait 15 jours ou là, et chaque semaine, c'est comme ça fait à peu près un mois, subhanallah, une sœur, une reconvertie, subhanallah, est maintenant en Égypte coincée. Non. Mariée, vous savez combien de fois? Mariée 6 fois. Vous savez quel âge qu'elle a? Elle a 22 ans. 22 ans mariée 6 fois, une reconvertie. Pourquoi à chaque fois elle tombe avec quelqu'un qui joue d'elle? Il joue avec elle 1 mois, 2 mois, il la jette. 3 mois, 4 mois, il la jette. À 22 ans, une femme se marie 6 fois avec un enfant, maintenant coincée en Égypte, sans argent, sans rien. Je sais plus ce qu'elle doit faire. Comment faire en Égypte et qu'on n'ait personne, elle n'a même pas d'argent pour téléphoner le mardi. Elle téléphonait de temps en temps le mardi, maintenant elle n'a plus. Aujourd'hui, m'a écrit un email. Non, elle est là maintenant, il a divorcé, je crois que c'est la 7e fois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment qu'elle va faire? Même pas d'argent pour revenir en France. Si elle n'a pas où aller. Comment qu'elle va faire? Elle a fait la hijra, elle a fait ceci. Donc je reviens aussi, je dis que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frères bien, et mashallah. Il y a des frères bien, mashallah, qui sont mariés depuis des années, mashallah, et que tout va bien. Je reviens aussi attendez, comment on cherche le mot? C'est pas plaindre, c'est gronder, ce n'est pas gronder. Ce n'est pas bon, je trouve pas le mot en français pour y aller m'en prendre, pour m'en prendre aussi aux sœurs. Non, c'est comme ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, il l'a dit à Abou Marwan, parce que vous facilitez vite les choses au frère qui veut se marier. Très vite, comme j'ai dit. Non, très vite, le soir même, le jour même où ils viennent demander la fille, classe, un couscous et le soir ils sont ensemble dans la chambre. Même s'il n'y a pas la fête, même s'il n'y a pas la famille, même s'il n'y a pas le père, même s'il n'y a rien, là, c'est le mariage, et ce n'est pas comme ça. Quand l'homme sent que, hein, c'est vite comme ça, le mariage est aussi facile que ça, il se dit, je n'ai pas ressenti que c'était un mariage. Comme c'est facile de me marier, c'est facile de la jeter celle-là. Non. Mais quand c'est un mariage qu'on prépare depuis longtemps, un mariage où rentre le père et le grand-père et l'arrière-grand-père et l'oncle et son frère et le cousin et toute la famille, les grands et les petits, et tout le monde est au courant et les conditions et rien n'est caché. Et attendez, attendez un peu. Un à l'autre, ils sentent que c'est un mariage. Ils sentent que c'est quelque chose de sérieux, ils sentent qu'il y a de la famille derrière, ils sentent, c'est pas facile qu'ils répudient la fille comme ça facilement. Mais en France, la fille, elle est seule, abandonnée, surtout si c'est une reconvertie. Il n'y a personne avec elle, personne derrière elle, c'est une poupée qu'il peut acheter dans le carrefour et qu'il peut jeter. Non, c'est comme ça, il se marie une semaine, après il se dit, off, pourquoi je change pas une autre? Allah Ta'ala a permis. Non, et il commence à changer, à jouer avec les filles. اللهم المستعان كل الله سبحانه وتعالى مزيدين وكيد تفضل إن شاء الله للبروشان Cheikh, dans notre quartier, il y a eu un mariage et c'est fait dans une voiture, dans un parking, dans une voiture. Après salat de l'asr, l'imam il est rentré dans la voiture, le père il est rentré dans la voiture, le frère il est rentré dans la voiture, ils ont fait l'aqd et ça y est, ils sont ressortis, la sœur elle est mariée. Voilà. Comme ils ont acheté un ticket dans le métro, là dans le bus. Hein. Allahoumoustaan. Donc la question, salam alaykoum Cheikh. Je sais qu'il est interdit de jurer. Je vous donne le micro, Inch'Allah, je vous donne le micro. C'était juste pour te dire, puisque tu as dit qu'ils se sont mariés dans la voiture et qu'ils ont fait l'acte dans la voiture, j'espère qu'ils ne se sont pas endormis dans la malle. J'espère qu'ils se sont endormis à la maison et pas dans la malle. Je te donne le micro. Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Subhanallah, khair, Inch'Allah. Donc, salamu alaykoum, Cheikh. Je sais qu'il est interdit de jurer par quelqu'un d'autre que par Allah. Mais dans le Coran, Allah Azzawajal jure par autre que lui-même. Il jure par les étoiles, par le temps, par le soleil, etc. Est-ce que quand Allah Azzawajal jure, il ne jure pas comme nous? Pouvez-vous nous donner l'explication? Barakallahu fikum. Wa'alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne le fait de jurer, il est interdit à toute personne de jurer sur une chose qui a été créée. On ne doit jurer que sur les choses qui ne sont pas créées. Non. Et ce qui n'est pas créé, c'est seulement Allah Ta'ala et quoi? Et ses attributs. C'est pour ça que on ne doit jurer que par Allah Azza wa Jal ou par ses attributs. Non. Maintenant, si on doit jurer sur de la terre ou là, la Mecque ou là, les étoiles ou là, la mer ou là, on ne doit pas jurer sur ces choses-là, mais sur celui qui les a créées. Je dis par exemple, par celui qui a créé les cieux, que cette chose n'est pas vraie. Par celui qui a créé le soleil, que j'étais hier à Marseille. Et comme ça. Je jure par quoi? Je jure par le créateur ou bien par les choses que le créateur a créées en disant par celui qui a créé telle chose. Quant à Allah Ta'ala, c'est lui seul qui lui est permis de jurer avec les choses qu'il a créées. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créées. C'est pour ça que dans le Coran, on a « Al-Shams, Al-Layl, Al-Duha, Al-Asr » et il a juré avec toutes ou bien avec certaines de ces immenses créatures. Donc celui qui jure avec les créatures, seul Allah Azza wa Jal. Quant à nous, on jure sur le créateur et pas les créatures, sinon ça rentre dans le shirk. Fadla le suivant. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question c'était que maintenant des fois quand une personne fait un accident en voiture et que l'autre personne qui est fautive, quand on lui demande de l'argent, par exemple pour ce qu'elle vient de faire comme faute, elle dit « il y a l'assurance entre nous ». Donc pas d'argent, il y a l'assurance. Alors la question dit, est-ce que dans ce cas donc il est permis de faire l'assurance tout risque? Comme ça, quand il se passe quelque chose ou là, il y a entre nous l'assurance tout risque. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam, ala shrafil mursalin. L'assurance tout risque est interdite. Naam, l'assurance tout risque est interdite. L'assurance qui n'est pas tout risque, la base, la dernière, qui est obligatoire, qu'on doit faire, sinon on va en prison, celle-là, même celle-là, est interdite en islam. Mais on l'a fait juste pour, yani, c'est une daroura, c'est-à-dire, on appelle ça au tiers. Non, on l'a fait juste comme daroura pour ne pas aller en prison. Car si on conduit son assurance, sans assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous attrape, on va en prison. Si jamais on tue quelqu'un, yani on va à vie à prison. Non. Donc, je dis à mon frère qu'il doit faire l'assurance seulement, l'assurance au tiers, c'est-à-dire la dernière, minimum. Sans assurer le pare-brise, ni le vol, ni le poste, ni. Non. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Avant-hier seulement, des voleurs, ici dans où j'habite, c'est la première fois que ça arrive, en une nuit, ils ont cassé pour rentrer, voler, tout ce cassette, etc. Ils ont fait ça à trois voitures. L'une cambriolée, pas toute la voiture, cambriolée le post-cassette, etc. Non. Ils ont fait ça à trois voitures. L'une des trois voitures, c'est la mienne. Et moi, spécialement, ils m'ont pris deux postes. J'avais à l'intérieur deux. Un MP3 et un post-cassette. Ils les ont pris les deux. Plus, ils ont cassé la vitre, etc. Et la troisième voiture, ils ont voulu la prendre carrément, la voiture d'une femme. Et alhamdoulilah, ils n'ont pas pu. Non. Ils ont volé votre voiture. Pas la voiture. Ils ont volé, ils ont cassé, ils sont rentrés dans la voiture, ils ont pris le post-cassette et l'autre avec l'MP3. Ils n'ont pas pris toute la voiture. Non. Ils ont essayé de prendre une troisième voiture, ils ont pas pu. Donc je dis cela quoi? Donc moi, si j'étais assuré tout risque, m'aurait rendu tout mon argent. Ça, tout ce qu'on m'avait volé, on me l'aurait rendu. Mais c'est haram. Je préfère quoi? Que je perde tout ce qu'ils ont volé plutôt que de faire quelque chose qui est haram. Plutôt que de faire quelque chose qui est haram. Et juste avant cela, subhanallah al-azim, juste avant cela, il y a peut-être un mois ou là, aussi un voisin en faisant une marche arrière, naam, m'a cassé quoi? M'a cassé le phare arrière de la voiture. Naam, le phare arrière qui est très cher, subhanallah al-azim. Et la même chose, j'étais assuré, mais naam, je pouvais faire avec lui yani, le constat et rendre l'argent. Et je ne l'ai pas fait. Et l'assurance est maintenant terminée. Et maintenant, si je dois acheter le phare, je dois l'acheter de mon argent. Et tout cela, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le qada ou le qadar. Et ça rentre dans le fait que ces choses-là annulent les péchés qu'on a. Et vous savez que tous les problèmes qu'on a et toutes les machèques, etc., et les maladies et tout ça, ça annule les péchés qu'on a, les beaucoup de péchés qu'on fait. Naam. Inch'Allah ta'ala, tfaddal le suivant. Inch'Allah, asbir wihran 31 000, asbir inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, أن يشفي ابنك وابن جميع المسلمين. آمين. السلام عليكم. Donc la question c'est à le chemin des salafs. Salam alaikum. Il arrive que mon mari soit très fatigué et qu'il s'endorme alors que c'est l'heure de faire la prière. Il ne veut pas que je le réveille pour prier. Que dois-je faire? Dois-je lui obéir et le laisser dormir même si c'est l'heure de la prière et que la prière va passer? Ou dois-je le réveiller de force, sachant qu'il sera énervé? Ensuite, a-t-il le droit de me faire des reproches si je décide de le réveiller? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. En principe, quelqu'un qui, sa femme le réveille pour faire la prière, devrait l'embrasser de joie et lui dire Barakallahu fik de m'avoir réveillé pour la salat. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui n'aime pas cette chose et qui s'énerve et qui risque d'insulter ou de frapper ou de divorcer, celui-là, je ne suis pas obligé de le réveiller. Non, moi je réveille quelqu'un qui, lorsque je le réveille, ça lui plaît. Ce n'est pas qui, lorsque je le réveille, il va me frapper ou bien m'insulter. Ou bien me répudier peut-être. Non. Et sache ma sœur que Alhamdoulilah, toi tu n'as plus de responsabilité quand il t'a dit cela. Quand il t'a dit, si tu me réveilles, là tu connais ses habitudes, si tu le réveilles, il insulte, écrit et appelle les voisins, celui-là, moi, je ne suis pas responsable de lui. Car si vraiment il aimait la prière, c'est lui qui me dirait, réveille-moi, ou bien c'est lui qui mettrait le réveil ou le portable pour sonner. Maintenant, tant qu'il ne veut pas cette chose, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et toi, alhamdoulilah, tu n'as aucune responsabilité. Mieux encore, tu as des récompenses. Car dans ton cœur, tu voudrais faire le bien, et c'est lui qui entrave cette chose, et ne laisse pas le bien arriver. Naam. Tafaddal inshallah ta'ala le suivant. Il n'y en a plus sur InSpeak. Donc normalement, c'est Abu Salman. Abu Salman, on vous a enlevé le raid, je crois. Non. Je l'ai remis par accident. Levez la main, Abu Salman, barakallahu fikum. Levez la main, Abu Salman. Voilà, attendez, on va enlever le raid, voilà. Subhanallah. Voilà. Écrivez votre question, barakallahu fikum. Et aussi, les jumeaux, préparez votre question, inshallah. Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. À partir de quand un homme peut-il faire le roussl pour Salat al-Jamu'a? Et s'il se réveille le vendredi pour Salat Sobh, en état d'impureté, et qu'il fait le roussl, est-ce valable pour Salat al-Jamu'a ou doit-il mettre l'intention? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un homme commence à faire le roussl pour Salat al-Jamu'a à partir du moment où il devient pubère. Il fait le roussl pour Salat al-Jumu'ah. Ensuite, est-ce qu'il peut faire, s'il se réveille impur pour Salat al-Subh, est-ce qu'il peut faire le roussl pour Salat al-Jumu'ah? Il peut le faire à condition que ça soit après l'adhan ta'al-Fajr. après le deuxième adhan, c'est-à-dire l'adhan de Salat Subh. Ce n'est pas avant. Ce n'est pas avant. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, quand il revenait de Salat Subh, il faisait quoi? Il faisait le rousl du Jumu'ah. Et maintenant, si on est impur et en même temps, on va faire le rousl du Jumu'ah, hein, de préférence, on fait deux. On commence par le grand rousl, on termine, on jette sur soi de l'eau une deuxième fois, avec la niya que ce deuxième rousl est pour la Jumu'ah. Naam. On passe à Tawhid Allah dans l'inspeak. Inspeak, Tawhid Allah. Tafadlal. Je te donne le droit d'écrire. Tu as le droit d'écrire, tafadlal. Sinon, je te donne le micro. Tawhid Allah dit, salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponse, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce autorisé de mettre sur le linceul du mort, du aîné, des fleurs séchées et du parfum? Tout cela en même temps, barakallahu fikum. Toutes les trois choses, qu'elles soient en même temps ou bien séparées, rentrent dans l'innovation. Ces trois choses rentrent dans la bida. Le henné, les fleurs, qu'elles soient séchées ou pas séchées, et le parfum. Tout cela rentre dans l'innovation. Mais ce qui est permis, c'est, par exemple, le parfum ou bien le musc, quand on le met sur le mort, quand on le lave, et on lui met, on mélange avec de l'eau, par exemple, un peu de musc. Ou bien quand on termine son lavage, on lui met un peu de musc. Mais ce n'est pas, on va envoyer dans le linceul une bouteille, par exemple, de musc ou bien une bouteille de parfum. Non, ça rentre dans la bida. Tfadlan, inshallah, paltok, le suivant. Voilà la question. Voilà ma question. Allah dit dans le Coran, je n'éprouve pas une âme d'une chose qu'elle ne peut pas supporter. Pourtant, des fois, j'ai tellement d'épreuves que je me demande si la mort ne serait pas préférable. Ai-je le droit de penser cela, barakallahu fikum? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive des moments où toute personne, n'âme, souhaiterait plus ou moins la mort. Et vous savez qu'il est interdit en islam de souhaiter la mort, si quoi? Si c'est à cause, par exemple, d'un mal qui est descendu sur nous. Il est possible, par exemple, de demander la mort, si c'est, par exemple, pour la shahada, un martyr, et comme ça. Mais parce qu'on a mal ou un malheur, on demande la mort, c'est interdit en islam. Mais il faudrait dire quoi? Il faudrait dire comme c'est dans le hadith, c'est-à-dire demander à Allah Ta'ala, si la vie, cette vie, est mieux pour nous, c'est de nous rester en vie. Et si la mort est mieux pour nous, c'est de nous faire mourir. Donc, on ne propose pas à Allah Ta'ala, on lui demande pas de nous faire mourir, mais on le fait choisir. On lui dit à Allah, si ceci et si cela. Ça veut dire, nous on ne sait pas, c'est toi qui choisis. Si la mort est mieux, donc choisis-nous la mort. Si la vie est mieux, choisis-nous aussi la vie. Parce que des fois, quand on fait par exemple le souhait de mourir, qui est-ce qui nous prouve que la mort c'est mieux pour nous? Si peut-être la personne va faire des souhaits pour mourir, elle va mourir, elle va trouver le grand châtiment et les grandes tortures peut-être qui l'attendent. Non. Pourquoi alors ce n'est pas mieux de demander à Allah Ta'ala de nous laisser en vie et de nous aider, par exemple, à corriger ce qu'on a fait, etc. Comme ça, si on meurt, on ne trouve que le paradis qui nous attend et les piscines et ceci et cela. C'est pour ça qu'on ne doit pas demander la mort, Inch'Allah Ta'ala. Mais sachez que toute personne, yani, passe par des moments difficiles. Mais toujours, toujours, toujours, n'am, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, il nous fait une issue. Et quand on pense toujours, yani, on fait de l'islam la chose la plus importante pour nous. L'adoration, on fait de la chose la plus importante pour nous. On ne vit que pour l'adoration, on ne vit que pour Allah, on ne vit que pour le paradis, que pour plaire à Allah. Toutes les choses deviennent moindres et deviennent petites devant nos yeux. Naam. Plus la foi et mashallah, plus les problèmes de la vie s'amoindrissent et deviennent yani, peu influençables sur nous. Et plus notre foi est faible, dès que ça arrive une chose, une petite maladie, on peut s'ébranler. Naam. Un petit incendie, on peut s'ébranler. Un petit vol dans la maison, la voiture, là, on est ébranlé. Plus la foi est faible. Naam. Mais plus on revient vers Allah Ta'ala, on fait des douas, on lui demande de nous aider, on place tout entre ses mains, on a confiance en lui, et plus inshallah ta'ala, il nous fait des quoi? Il nous fait des issues. Et pour terminer dans cette chose-là, je voudrais dire que quand la sœur dit que des fois les épreuves sont tellement grandes que je dis des fois il y a beaucoup de solutions au problème, mais des fois on ne les connaît pas. Non, je donne un exemple très simple là. Des fois, par exemple, nous sommes par exemple éprouvés par un mari qui nous fait des millions de problèmes, des milliers de problèmes, jusqu'à ce qu'on souffre le calvaire, et peut-être par exemple que la sœur peut-être ne sait pas que dans un cas pareil, il lui est permis par exemple de quoi? Par exemple, de demander la séparation et par conséquent d'éloigner ce problème. Mais des fois, elle ne sait pas. Elle est ignorante dans la route. Elle croit que si elle divorce, elle ne va pas aller au paradis, comme c'est dans le hadith. Ça, c'est un exemple. Je ne pousse personne à divorcer. C'est juste un exemple. Et dans ce cas, comme je dis, il y a plusieurs cas où il y a la solution et on ne la connaît pas. Naam. Taïb, on passe Allah Ta'ala au suivant. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Je voulais en fait savoir le Assalamu alaykum Cheikh wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais en fait savoir le sens d'un hadith inchallah qui est dans le livre de Cheikh Al-Allama Nasser Din Albani rahimahullah qui dit kullu muslim 'ala al-muslim muharram akhawani nasrani la yaqbalu Allah 'azza wa jalla من المشركين بعدما أسلم عملا ويفرق المشركين إلا المسلمين بارك الله فيكم شيخ أخرجه النسائي وابن ماجه إسناده حسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته je demande aux frères si c'est possible inchallah ta'ala de me répéter le hadith comme ça je le vois de mes yeux yani dans le livre de Cheikh Al-Albani Rahmo je le vois et En même temps, tu me dis maintenant et je vais le chercher, comme ça je le lis, c'est mieux. Tfadl, dis-moi comment commence le hadith, Tfadl, je te donne le micro. Naam. Le hadith, en fait, il commence par « Kullu muslim ala al-muslim muharram ». Le livre, il est dans « Irwa wal-Ghalil », page 32. Il dit « Kullu muslim ala al-muslim muharram, akhawani nasarani ». لا يقبل الله عز وجل من المشركين بعدما أسلم عملا أو يفرق المشركين إلا المسلمين. Il est rapporté donc par An-Nisa'i et Ibn Majah. Et Cheikh Al-Muhaddith, رحمه الله, il dit que c'est un hadith qui est Hassan, page 32. Barakallahu fikum. Le frère a dit que le hadith commençait par Kul le muslim. Dans Irwa al-Ghalil, j'ai pas trouvé ce hadith. Il n'y a pas un hadith qui dit Kul le muslim. Non. Il y a Kul le muslim. Kul le muslim. Ana bari min kul le muslim. Yuqimu bayna adhur al-mushrikin. Mais je n'ai pas trouvé comme ça avec le mot Kul le muslim ala le muslim. Il faut être sûr de ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a Elif ou l'âme ou il n'y a pas? Libyen en arabe, d'accord, Inch'Allah, t'as l'envoi mon numéro, je viens de chercher dans Irwa al-Ghali, je ne l'ai pas trouvé, non, je viens de chercher, il a dit, il y a le hadith qui est connu, Kul muslim ala muslim haram, yani damuhu, irduhu, etc., mais celui que tu viens de citer là, je le trouve pas, non, je le trouve pas. Taïb, cherche encore le numéro, le temps qu'on passe à un autre, Inch'Allah. Ourtfil la 13, salam alaikum, c'est à votre tour, Inch'Allah. Écrivez votre question et préparez votre question aussi, Khatab. Barakallahu fikum. Salam alaikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense, Amin. Une sœur a donné de l'argent en aumône à une autre sœur. Cet argent est de l'intérêt qu'elle a reçu de la banque. La sœur à qui elle a donné cet argent peut-elle le garder? Ou bien cela lui est-il interdit? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, cette sœur peut garder cet argent. Quand quelqu'un, naam, a de l'argent qui vient des intérêts, c'est la personne qui a déposé cet argent dans la banque et a reçu des intérêts, c'est elle qui a les péchés. C'est elle qui a les péchés, pas l'autre. l'autre à laquelle on va donner ses intérêts, il lui est permis, cet argent lui est permis. Naam. Même si, a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmoh, même si cet argent, on le donne à la mosquée, pour qu'on construise une mosquée, il a dit, c'est possible. Naam. Fadlan Inch'Allah, le suivant. Naam Cheikh, pour revenir au hadith du frère Abdallah 14, il a dit, c'est le hadith 644 dans Silsilat al-Sahiha de Cheikh Albani, rahimahullah. Salam alaikum. Akhi Abdallah 14, barakallahu fik, si tu peux répéter le hadith. Naam, salam alaikum. En fait, le hadith, il commence comme ça. كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصران لا يقبل الله عز وجل من المشركين بعدما أسلم عملا أو يفرق المشركين إلا المسلمين أخرجه النسائي وابن ماجه. قلت يعني الشيخ العلامة رحمه الله إسناده حسن. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le hadith que j'ai trouvé, c'est le hadith qui se trouve, il est hassan dans Sunan ibn Majah. Hadith numéro, attendez quel numéro, page 848, tombe numéro 2. La yaqbalu Allahu min mushrikin ashraka ba'dama aslam عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. Est-ce que tu parles de ce hadith? Je répète. لا يقبل الله من مشرك اشرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. C'est pas le même. Non, justement, le hadith là, il est. Peut-être qu'il n'est pas le même. Celui-là, il parle d'un mushrik, qui fait le shirk après être musulman. Il est musulman, ensuite il a refait le shirk. Celui-là, Allah n'accepte pas de lui jusqu'à ce qu'il quitte et mushrikin. Mais l'autre, je ne crois pas que ça soit le même. Mais celui que j'ai trouvé, c'est comme ça qu'il dit. Celui-là, il parle de quelqu'un qui a fait le shirk après être musulman. Et il a refait le shirk. Celui-là, il doit quitter les mouchriquins. Naam. Inch'Allah ta'ala, Abdullah 15, la prochaine fois, cherche-le nous en arabe. Et écris-le nous en arabe, Inch'Allah ta'ala. Naam. Inspeak, c'est le tour de qui? Naam. Rajoute-moi dans les contacts. Il y avait Osma. Il y avait une sœur qui avait posé une question ici sur l'Inspeak. Elle a dit Nam salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, excusez-nous de vous tarder aussi tard. Allah vous récompense. Doit-on changer de place entre une prière obligatoire et une sirogatoire? Naam. C'est ça de la sunna. On ne doit pas faire la salat nafila dans le même endroit où on fait la salat obligatoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Juste on ajoute quelques centimètres. Ou bien on recule quelques centimètres. Ou bien on va juste un peu à droite ou juste un peu à gauche. Ce n'est pas la peine de changer tout l'endroit. On va juste un peu à l'arrière, un peu à l'avant. Un peu à droite ou un peu à gauche. Et c'est là-bas qu'on fait la nafila, inshallah ta'ala. Donc la question de Qaloun. Salam alaikum. Comment répondre à ceux qui prétendent que les gens de la sunna reprochent au Ashariya le taqwil, interprétation, alors que les gens de la sunna, parfois, l'utilisent sur certains versets ou hadiths comme le verset « Là où vous vous trouvez, se trouve Allah », c'est-à-dire avec sa science ou encore « La main d'Allah est avec le groupe ». Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'avais oublié de mettre le micro pour que les gens de l'Inspeak entendre la question, mais ça ne fait rien. Je vais la lire, Inch'Allah ta'ala. Il dit, salam alaikum, comment répondre à ceux qui prétendent que les gens de la sunna reprochent au Asha'ira, le ta'wil, interprétation, alors que les gens de la sunna pratiquent parfois le ta'wil sur certains versets ou hadiths, comme le verset « Là où vous trouvez se trouve Allah »« Innama tuwallu fathamma wajhullah » c'est-à-dire « Avec sa science » ou encore « La main d'Allah est avec le groupe » Naam. Qui sont très importantes. La réponse, bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Premièrement, le verset ne dit pas là où vous trouvez se trouve Allah. Naam, le verset a dit là où vous trouvez se trouve wajhullah. Wajhullah. Et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, wajhullah, tous les, si ce n'est pas tous, c'est la plupart. Et tous les exégètes, les mufassirin de Al-Sunna ont dit Allah Ta'ala parlait, ne parlait pas de lui et de ses attributs. Naam. Mais il parlait plutôt de quoi? Il parlait des directions. Il parlait des directions. C'est pour ça que, naam, c'est pour ça que Al-Sunna al-Jama'a voit toujours, yani le contexte. Le contexte qu'a dit Allah Ta'ala avant et qu'a il dit après. Parce qu'Al-Sunna al-Jama'a explique et interprète le Coran, des fois, avec quoi? Avec le contexte. Ici, Allah Ta'ala a dit, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ le levant et le couchant. Ensuite, il a dit, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ et où vous dirigez, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ il y a وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ et ici, وَجْهُ اللَّهِ Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, la plupart disent, c'est quoi? C'est, il parle de la direction. Ibn Taymiyyah a dit, tous les exégètes sont unanimes pour dire que il n'est pas en train de parler de ses attributs, mais il est en train de parler des directions et de la salat, et quelle est sa direction, et comme ça. Dit, premièrement. Deuxièmement, les gens du consensus et de la sunna qui reprochent au Asha'ila le ta'wil, ne le reprochent pas le ta'wil quand il faut faire le ta'wil. Non, mais ils le reprochent le ta'wil qui n'a pas de raison. Car le ta'wil se divise en deux. Ta'wil accepté, ta'wil rejeté. Le rejeté, c'est de déformer le sens d'un verset ou d'un hadith sans raison. Il n'y a aucune raison qui nous pousse à le déformer. Alors qu'il peut être compris en son apparence. Ou bien, celui qui a accepté, le ta'wil qui a accepté, c'est le ta'wil quand il n'y a plus de solution et on ne peut pas expliquer. Sinon, on rentre dans la contradiction. Je donne l'exemple. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ quand il a dit, نعم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ رَجِيمِ il a dit, si tu as lu le Coran, قَرَأْتَ قَرَأْتَ c'est au passé. Donc, tu dis أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ رَجِيمِ et seulement on dit, tout le monde sait que on dit أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ رَجِيمِ avant de commencer, pas de finir. Donc ici, on va dire qu'il y a un verbe qui a été sous-entendu. Le verbe c'est si tu veux lire, tu dis Audoulam Shtarajim. Donc, ici, le fait de dire qu'il y a un verbe sous-entendu, c'est le ta'wil, ça rentre dans le ta'wil. Mais c'est le ta'wil qui est permis, il n'est pas rejeté. Pourquoi? Parce que on ne peut comprendre le sens de ce verset que comme ça. Car ce n'est pas possible que quand on termine le Coran, on va dire Audoulam Shtarajim. Mais on va dire avant, pour que le shaitan s'éloigne de nous, pour qu'on puisse lire. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième verset, la main, où il est dit que, attendez, qu'est-ce qu'il a dit ici, la main, faut que je relise, il a dit la main d'Allah est avec le groupe. C'est-à-dire, la main d'Allah est avec le groupe. Naam. Quand on cite une chose, comme la main d'Allah azza wa jal, yadullah ma'al jama'a, naam. Quand on cite que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, est avec le groupe, ou bien le verset qui dit, attendez le verset, qu'est-ce qu'il a dit de, Yadullah fawqa aydihim. Naam. La différence entre Al-Sunna et les autres, c'est que Al-Sunna disent que ce verset, ça veut dire par exemple, Yadullah fawqa aydihim, ça veut dire, c'est, comment qu'on dit, attendez, je cherche le mot en français, tawkid al-bay'a. Ça veut dire, c'est, la confirmation, c'est pour consolider l'allégeance. Naam. Quand tu sais que quand tu fais l'allégeance en mettant ta main sur la main du messager d'Allah, que c'est la main d'Allah qui était là au-dessus, c'est pour confirmer, quoi, consolider, pour que tu fasses l'allégeance. Naam. Mais, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala n'a pas de bain. La Sunna dit, Allah Ta'ala a une main. Et justement, c'est ça la différence entre la Sunna ou le Jama'a et les autres. Les autres, ils disent, ici, le sens, ça veut dire, c'est seulement consolider l'allégeance. Ce n'est pas qu'Allah Ta'ala a une main. La même chose pour, par exemple, وَيَبْرَا وَجْهُ اللَّهِ. Ils disent, وَجْهُ اللَّهِ يَبْرَا, ça veut dire, c'est la récompense. Et Allah Ta'ala n'a pas de visage. La Sunna dit, non. Allah Ta'ala, il a un vrai visage. Naam. C'est pour ça qu'il l'a employé. Mais, dans le contexte, ça veut dire autre chose. Justement, c'est ça la grande différence entre Al-Sunna et les autres. Al-Sunna, naam, explique le verset d'après son contexte, mais en même temps atteste que Allah Ta'ala a la main, atteste qu'il a le visage. Et les autres, comme les Asha'ira, ils disent Allah Ta'ala a voulu dire cette chose, et il n'a pas de visage, il n'a pas de main. Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, ça c'est long et ça a besoin de. On l'a expliqué plusieurs fois, ça a besoin beaucoup de parler dans ce sens. Naam. تفضل لو سؤال دو لا سؤال نعم لا question de Oum Khattab. Salam alaykoum. Une sœur, quand elle avait 16 ans, s'est réveillée la nuit et a lu pour la première fois le Coran pendant 3 heures non-stop. Et le lendemain, elle a appris que sa grand-mère, qui était pratiquante, est décédée. Et récemment, cette sœur qui est mariée, alhamdoulilah, dormait et s'est réveillée d'un coup vers 3 heures du matin, car elle ressentit un pincement au cœur et elle s'est réveillée. Elle a ressenti le besoin de lire le Coran et pour la première fois de sa vie, elle a lu Bakhara d'un trait. Elle a fait plusieurs salat nafila et le lendemain matin, elle apprend qu'à cette même heure, son oncle était en train de mourir. Il était pratiquant aussi. Qu'est-ce que cela signifie, barakallahu fikum, de nous expliquer et d'interpréter en faisant... Ah non, ça c'est autre chose. Barakallahu fikum, de nous expliquer, de nous éclairer. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. C'est comme on en parlait tout à l'heure et qu'on disait que certaines personnes, naam, pouvaient voir yani, leur pressentiment se réaliser. C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure dans le DAS, que des fois une personne a un pincement hein, dans son cœur, que quelque chose par exemple va arriver, et cette chose arrive. Et j'avais dit que les gens dans cette chose n'étaient pas sur le même niveau. Qu'il y avait des niveaux, il y a des gens qui, yani, s'ils sentent le pincement, yani, ça arrive. Il y a qui arrivent à 90%. 80, 50, et comme ça, et on descend. Naam. Donc, ça rentre dans le tahaddouf dont on a parlé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cher, je connais une personne qui a des pressentiments qui se réalisent depuis qu'il est tout petit, même quand il n'était pas dans le din. Naam. Même quand il n'est pas dans le din, Allahu alam. Mais les pressentiments, comme j'ai dit, cela dépend des personnes, naam, et elles ne sont pas toutes pareilles. Et plus on est dans le din, plus le sentiment bi'idna ta'ala est quoi ? Est véridique. Plus le sentiment bi'idna ta'ala est véridique. Ensuite, je vais dire quelque chose, inshallah ta'ala, très vite. Un frère dit, salamu alaikum, pour le mail que vous avez reçu de la sœur convertie, quand j'ai parlé tout à l'heure de la sœur de 22 ans, 6 fois mariée ou 6 fois divorcée, en Égypte, abandonné, coincé, il a dit, si vous voulez faire une récolte pour aider la sœur, je me porte garant pour lui envoyer de l'argent. J'ai mon frère qui est actuellement en Égypte, il pourra se charger de lui donner, inshallah ta'ala, et je lui donnerai mon adresse pour les frères qui veulent donner et ma femme. Et ma femme se chargera pour les sœurs, inshallah ta'ala. Naam, mon frère. Naam, mon frère. Sinon, je ne vois pas pourquoi on se dit musulman. Je ne vois pas pourquoi on se dit musulman alors qu'on reste chez nous avec nos femmes et nos enfants en train de manger, de boire et de rire et de s'amuser et d'aller se promener. Et alors qu'il y a des gens comme nous, des frères comme nous, des sœurs comme nous, et encore des reconvertis à qui l'islam te permet de, le kafir permet de lui donner de l'or et tout ce que tu possèdes pour qu'il rentre en islam. Alors celle-là, elle rentre en islam et elle tombe avec des loups, pas avec des frères, elles sont avec des loups et des chacals, Et elle se trouve là-bas toute seule coincée, et nous, on ne peut pas lui envoyer un euro. On ne peut pas lui envoyer un euro, et après on va dire que, mashallah, je passe la nuit à prier, je passe la nuit à jeûner, etc. Non. Donc, je dis à mon frère ici qui s'appelle Mohamed, comment il s'appelle, attendez une seconde. Naam, Akhi Mohamed 64, Inch'Allah Ta'ala, contacte-moi dans l'email, contacte-moi demain dans mon email, je te donnerai son email. Contacte-moi dans mon email, je te donnerai son email pour que ta femme, Yanni, voit comment faire avec elle, etc. Naam, pour au moins, Yanni, lui payer le billet d'avion là, pour qu'elle reste pas là-bas coincée. Une femme là-bas coincée tout seule, yani reconvertie avec un niveau faible, etc., risque de faire des choses si sa foi faiblit et dire que Allah ralib, il n'y a personne qui m'a soutenu, je me suis trouvé seul, les musulmans ne sont pas bien, ils jouent avec les femmes, etc., ils les jettent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tayyib, Abou Mourouan, tu devais dire quelque chose en ce sens, tfadlal. Non, parce qu'en fait, attendez, je retrouve le message. C'était, ah oui, la sœur tout à l'heure qui avait posé la question, Salama, à propos des les deux catégories de péché et tout, vous lui avez répondu. Ensuite, elle m'a dit, c'est au sujet de la sœur dont il parlait en Égypte. Je la connais personnellement car je vivais avec elle. Vu qu'elle ne peut pas lui téléphoner, c'est-à-dire à vous, cher, s'il a un message à lui faire passer au sujet de sa situation, qu'il me le dise car je vais lui téléphoner, Inch'Allah. Donc la sœur, elle dit à vous, cher, si vous avez un message à faire passer à la sœur qui est en Égypte, qui est dans une situation difficile, de le dire maintenant, comme ça la sœur, elle va lui téléphoner, elle va lui transmettre, Inch'Allah. Mais j'avais d'autres choses à vous dire, mais j'avais attendu la fin des questions-réponses pour vous garder, Inch'Allah, un petit peu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, pour la sœur, je n'ai pas de message à dire. J'ai ce que j'ai demandé de vous, c'est-à-dire de voir comment l'aider, c'est tout. De voir comment l'aider. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à ce que tu devais dire pour la fin, tafadlal, parce que c'est la fin, Ari. Tafadlal, il est déjà 1h20 du matin, inshallah ta'ala. Naam. Tafadlal, je te donne le micro. Barakallahu fikoum, Cheikh. J'ai plusieurs petites choses à vous dire qui sont assez rapides, mais juste avant de vous dire ces petites choses, inshallah, je vais en profiter pour vous poser une question. Par rapport au cours, parce que ça fait plusieurs semaines que je veux vous poser cette question, et comme c'est moi qui lis les questions, des fois à la fin vous partez vite, j'ai pas le temps de vous poser la question, et wallah que cette question, cher, elle m'empêche de dormir. Wallah, Allah il est témoin qu'elle m'empêche de dormir, parce que j'ai pas trouvé la réponse nulle part. Et ma question c'est la suivante, c'est que plusieurs fois dans les cours vous nous avez appris la différence entre la volonté divine et la volonté universelle. Vous nous avez expliqué la volonté divine, c'est ce que Allah il nous demande de faire. Allah il veut qu'on soit croyant, Allah il veut qu'on fasse la prière, Allah il veut qu'on fasse le ramadan, Allah il veut qu'on fasse le bien, Allah il veut qu'on fasse l'aumône, etc. Ça c'est la volonté divine. Après vous nous avez expliqué la volonté universelle. Et vous nous avez dit que dans la volonté universelle, si mes souvenirs ils sont bons, c'est que Allah il veut que les gens ils soient croyants, mais c'est pas tous les gens qui sont croyants. Allah il veut que les gens ils prient, mais c'est pas tous les gens qui prient. Allah il veut que tout le monde fasse du bien, mais c'est pas tout le monde qui fait du bien. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans la volonté divine, ils sont dans la volonté universelle. Pour résumer rapidement. Donc maintenant ma question c'est la suivante. Dans un hadith et dans un verset du Coran, il me semble que Allah Azza wa Jal il dit, si tous les gens sur terre sont des croyants, je vais vous enlever et j'en remettrai des autres. Et dans un hadith que j'ai lu qui est authentique, ça c'est sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tout le monde y fait le bien et il se repent, Allah il va nous enlever tous et il va en remettre des gens qui feront des péchés. Alors ma question, moi je comprends pas, c'est Allah il nous demande de suivre la volonté juridique et le hadith il dit, si tout le monde suit la volonté juridique, Allah il va nous enlever et il va nous remettre des autres qui vont suivre la volonté juridique et certains qui vont suivre la volonté universelle. Il y a un peu une contradiction, je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas, cher. Abou Marwan, quand tu parles de tout le monde, il y a tout le monde, etc. Est-ce que tu parles de tout le monde, dans ce tout le monde, il y a les kofars ou pas? Tu parles des musulmans, là, tu parles y compris les kofars. Tout le monde. Justement, non. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre et l'univers, dans cet univers, il a créé les êtres humains. Dans les êtres humains, il a divisé en deux. والذي خلقكم فمنكم كافر و اي المؤمن نعم le kafir il doit exister il doit rester une catégorie de gens qui s'appellent les kuffar cela il doit en rester deux jusqu'à la fin du monde sinon quoi sinon yani il n'y aurait pas de sens alors pour Jahannam Jahannam qui a été créé il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc, en ce sens, donc, Jahannam n'aura plus de lieu d'exister. Car il n'y a pas les kofars qui vont rentrer à l'intérieur. Mais, Allah Ta'ala, quand il nous a demandé, et quand il a voulu une volonté juridique de nous, yani qu'on l'adore et qu'on lui obéisse, etc., tout en mettant, yani, en marge, qu'il y aura toujours des kofars et il y aura toujours des gens qui ne vont pas lui obéir. Pourquoi? Parce que ceux-là vont rentrer dans la volonté universelle. La volonté universelle qui fait que Allah Ta'ala a créé les kofars, qui fait que Allah Ta'ala a créé le shaitan, qui fait que Allah Ta'ala a créé le kofr, qui fait que Allah Ta'ala a créé l'alcool, a créé la zina et comme ça. Non. Mais chacun essaye au maximum, non, d'être, d'obéir et d'appliquer la volonté juridique pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et sauver sa peau. Toi, chacun cherche pour lui-même, et tout en se disant dans la tête qu'il y aura toujours des kofars et qu'il y aura Jahannam, etc. Un frère m'a dit, la volonté universelle ne disparaîtra jamais, mais la volonté juridique disparaîtra à la fin des temps. Naam, à la fin où il n'y aura plus de quoi, il n'y aura plus de d'obéissance, etc. Il n'y aura plus d'obéissance, etc. C'est-à-dire que, à la fin, il n'y aura que des kuffars. Le dernier temps, il n'y aura que des kuffars. C'est sur cela que Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va, yani, terminer le monde. Va terminer le monde. Là-bas, il n'y aura plus, de volonté juridique parce que personne, yani, Allah Ta'ala ne demandera à personne de croire, et même s'il croit, il ne va pas accepter de lui. Même s'il croit, il ne va pas accepter de lui quand, yani, les grands versets, les grands signes de la fin du monde viennent. Wallahu subhanahu azza wa jal alam. Voilà, il est 1h25 chez moi du matin. On doit, inshallah ta'ala, aller dormir un peu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Et on se rencontre, inshallah ta'ala, mercredi. Et mardi pour ceux qui posent leurs questions. Et maintenant les questions c'est jusqu'à 18h inshallah ta'ala. Wa fikum barakallah. Subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk inshallah ta'ala mercredi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.